Mes escabeaux, ma tête nous doit miser. Oh, nous on s'est avant d'y aller, viens quitter la boca bouillie pour nous vite taper. Salut Isa, salut Marion. Bonjour Mickaël. Ça va bien? Ça va et toi? Ça va très très bien. Enfant motivé? Ouais, un peu trop, moins vite quand même. Ouais, ouais, ouais. Ça va, oh, il est 5h à peine. 5h, hein. Bon. On va se calmer. Cool, hein. Cool, hein, Florent, okay. Pareil. Oh. C'est l'heure du journal, Florent Marot, bonjour. Bonjour Isabelle, bonjour à tous. Il serait 400 dans l'île, 400 toxicomanes à consommer régulièrement du Rivotril. Une sexagénaire vient d'être mise en examen pour trafic, mais ce matin, nous allons plus loin. Des structures existent pour casser la dépendance. Présentation de l'une d'entre elles dans ce journal. Aujourd'hui, 21 septembre, c'est la journée mondiale de la maladie d'Alzheimer. Des manifestations sont prévues jusqu'à dimanche. 8000 personnes seraient atteintes de la maladie à La Réunion. Manifestation hier devant la préfecture, la CFDT et l'UNSA ont déposé une pétition pour défendre le pouvoir d'achat des retraités. Les deux syndicats veulent indexer les pensions sur les salaires. Et puis nous irons tout à l'heure à la rencontre d'Ingrid. Elle est à la recherche d'un emploi et vient d'intégrer l'école de la deuxième chance, une structure créée en 1995. On peut parler de saisie record. La semaine dernière, les douaniers ont arrêté une sexagénaire avec sur elle 4000 cachets de Rivotril. Elle revenait de Madagascar. 4000 cachets, cela fait beaucoup. Mais la demande est là, le constat est même alarmant. On estime à 400 le nombre de consommateurs illicites de Rivotril dans notre île. À la base, le médicament est prescrit aux épileptiques, mais il possède des effets secondaires désinhibants. Heureusement, des structures existent pour casser la dépendance. La Casotée, basée à Saint-Paul, en fait partie. Présentation avec Delphine Poudroux. C'est dans le quartier retiré de la Grande Fontaine à Saint-Paul, aux 7 chemins pavés, que la Casotée reçoit tout au long de l'année des personnes qui consomment des drogues illicites ou des médicaments détournés de leur usage thérapeutique. Au moins un millier, avec des profils différents, parmi lesquels, bien sûr, on retrouve des dépendants Rivotril. Jean-François Guignard est directeur du réseau OT. C'est pas seulement des jeunes qui sont dans une spirale négative avec un manque de confiance en soi. C'est plus large que ça. Il y a aussi des gens qui travaillent, qui sont des fois pères de famille et qui sont consommateurs réguliers de Rivotril. Donc il n'y a pas de portrait type entre guillemets du consommateur de Rivotril. Presque tout le temps, il y a polyconsommation de plusieurs psychotropes et pas uniquement du Rivotril. Dans cette structure, il arrive très souvent que les patients se présentent sous effet et ils sont acceptés. L'accueil se doit donc d'être personnalisé. L'accueil, il est aussi déterminant parce que souvent, c'est des gens qui ont été dans le déni de leur consommation ou de leur surconsommation. Et donc, il ne faut pas se louper. Il faut être dans une posture sans jugement. Ça, c'est très, très important. Et on va faire du cas par cas. Voilà. Pour le réseau OT, c'est à chaque fois un accompagnement médical, social et psychologique qui s'organise. Une prise en charge globale, gratuite et anonyme. Un numéro de téléphone pour contacter le réseau OT, le 02 62 45 26 55, le 45 26 55. La sexagénaire, elle, n'aurait toujours pas révélé pour qui étaient ces 4000 cachets de Rivotril. À Maurice, c'est de la cocaïne et de l'ecstasy qui ont été saisis. Selon le quotidien, les drogues étaient transportées par un Français de 27 ans. Il avait sur lui plus d'un kilo de cocaïne et 89 comprimés d'ecstasy, valeur de l'ensemble 900 000 euros. Autre addiction, l'alcool. Un motard de 29 ans vient de passer sa première nuit derrière les barreaux. Il a été condamné hier à Saint-Pierre à 8 mois de prison. Samedi à Saint-Louis, il a été interpellé au guidon de sa moto avec 3,3 grammes d'alcool par litre de sang. Et ce n'était pas la première fois. Sa moto a été confisquée par la justice. Le pouvoir d'achat des retraités au centre des discussions hier à la préfecture. La CFDT et l'UNSA sont allés sur place pour déposer une motion, une pétition également. Ils veulent alerter les autorités à l'approche du 1er octobre, date de la revalorisation des pensions de retraite. Des pensions qui n'augmentent pas, contrairement au salaire. Bernard Rousseli, délégué régional UNSA retraité. On voudrait que le gouvernement réexamine cette indexation. Vu que l'inflation est quasiment nulle, l'an dernier nous avons eu une augmentation de 0,1% pour les retraites, cette année ce sera 0% parce que l'inflation est à 0%, donc on voit bien que alors que le salaire de base est augmenté régulièrement, les retraites ne le sont pas, puisque 0,1% c'est quasiment rien, on voit bien qu'il y a un décrochage entre les salaires et les pensions. Il y a une forme d'injustice, d'autant plus que les retraites participent bien à la vie de tous les jours, ils consomment et ils voudraient récupérer certains fruits de la croissance quand même. Bernard Rousseli, délégué régional UNSA, retraité au micro Réunion Première de Joanne Adama Dorassi. Les planteurs, eux, bloquent toujours ce matin les usines du Gol et de Bois-Rouge. Ils auraient obtenu quelques avancées, mais souhaitent aller plus loin. Plus de précisions à 6h30. Nous serons en direct avec Jean-Bernard Gontier, le président de la Chambre d'Agriculture. À la CCI hier, la Chambre de Commerce et d'Industrie, la campagne continue pour le poste de président. Après Ibrahim Patel, le sortant, c'est Arzou Mamadali qui a déposé hier sa liste en préfecture, une liste MEDEF qui a pour nom En avant l'entreprise. Formidable réunion. Au total, pour ces élections, 4 listes vont s'affronter et le MEDEF Réunion n'a fait aucune alliance. Mais la confiance est là, malgré tout. Didier Fauchard, le président du syndicat patronal. Le MEDEF, je vous rappelle, c'est quand même aujourd'hui 500 adhérents directs, 20 syndicats qui représentent à peu près 1700 entreprises. Le MEDEF, c'est 2200 entreprises qui sont aujourd'hui représentées. Aujourd'hui, on se lance tout seul, oui, parce que nous avons un projet à proposer. Vous le savez, il y a un certain nombre de discussions qui ont pu être menées récemment avec d'autres organisations patronales. Elles n'ont pas abouti. Nous voulons aujourd'hui nous présenter à la CCI avec deux grands éléments. Nous sommes d'abord des audacieux et nous voulons y croire à notre victoire. Il faut que notre réunion aujourd'hui, qui dispose d'un certain nombre d'atouts, à la fois sur l'éducation, sur la santé, sur le tourisme, puisse les faire valoir et développer son territoire de manière à ce que chacun puisse retrouver la place qui lui est due dans notre société réunionnaise. Didier Fauchard, président du MEDEF Réunion, interrogé par Joanne Adama Dorassi. Le scrutin à la CCIR est prévu le mois prochain. Y aura-t-il une carrière au Latanier à la possession? Réponse du conseil municipal le 14 décembre. En attendant, la mairie a décidé de reposer la question à la population, mais Vanessa Miranville a été claire. Soit la ville accepte la carrière et la région paiera les travaux routiers nécessaires pour le cœur de ville, soit le projet est abandonné. Ce sont les impôts qui devront compenser. 5h07 sur la première, la suite du journal Florent Marot. Aujourd'hui, 21 septembre, c'est la journée mondiale de la maladie d'Alzheimer. À La Réunion, comme dans toute la France, des manifestations sont prévues jusqu'à dimanche. 8000 personnes sont touchées dans l'île et malheureusement, il n'y a pas de guérison possible. Le rôle des aidants est donc fondamental. Il faut en effet dédramatiser. La maladie peut toucher n'importe qui, même les anciens chefs d'État. Gabrielle Fontaine, la présidente de France Alzheimer Réunion. Quand on voit quelqu'un, comme vous savez, on en a parlé dernièrement, M. Chirac, il a été hospitalisé. On ne dit pas carrément qu'il a la maladie d'Alzheimer. Comment voulez-vous que l'aidant lambda ou que la famille lambda, après, ait envie de parler de ça? Mais il faut qu'on arrête. C'est pas une tare que d'être atteint de la maladie d'Alzheimer. C'est une maladie, il faut qu'on la reconnaisse, qu'on se pose, et puis qu'on se dise, et qu'on ne soit plus dans le déni. Ça arrive, ça peut arriver à n'importe qui soit pauvre, riche, qu'on soit bleu, rouge, noir, jaune, ça arrive à tout le monde. À Gabrielle Fontaine, présidente de France Alzheimer Réunion, interrogée par Carl Sivat. Ils sont jeunes, déscolarisés ou sans qualification et n'ont qu'un souhait, trouver un travail. Ce sont les stagiaires de l'école de la deuxième chance. Les entreprises ont décidé de leur offrir un stage, voire un contrat. Hier à la préfecture, stagiaires et employeurs ont officialisé le partenariat. Ingrid, elle, a rejoint l'école de la deuxième chance en mai dernier. Et déjà, la jeune femme a mûri son projet professionnel. À la fin de la scolarité, c'était en 2013. 3 ans après, je me suis dit arrête d'assises. Et là, du coup, je me suis dit je vais m'inscrire à l'école deuxième chance. On a passé les tests, tout ça, mais c'était positif. Donc, du coup, j'ai commencé au 1 mai. Là, pour l'instant, mon projet professionnel, c'est d'être agent d'entretien ou faire la caisse. Caissière, quoi. Faut être autonome parce que pas tout le temps, maman va pas aller là. C'est passé par un entretien. Il y a quoi? Une remise à niveau? Il y a eu quoi? Oui, il y a des remises à niveau par rapport aux matières histoire, français et maths. On fait ça quand on est à l'école et les stages tous les 2 semaines. Une espèce d'alternance, c'est ça? Oui, voilà. C'est l'entreprise et l'école. Découvrir des métiers. Et puis, par la suite, si l'entreprise propose un contrat, on le prend, quoi. Un témoignage recueilli par Daniel D'Ambreville. Le dispositif a été créé en 95 par Edith Cresson. Il existe dans l'île depuis 6 ans et il a accueilli plus de 4690 stagiaires. 64% d'entre eux ont d'ailleurs trouvé à l'issue de leur parcours un emploi ou une formation. C'est la fin de ce journal. Place maintenant à l'actualité nationale et internationale avec nos confrères de France Info. Et on reparle ce matin de l'usine AZF à Toulouse avec Anne-Charlotte Costabadi. C'était il y a 15 ans, jour pour jour, une explosion dans le complexe chimique AZF à Toulouse. 31 personnes étaient mortes le 21 septembre 2001. Près de 2500 blessés. Des commémorations sont prévues à Toulouse dans la journée pour leur rendre hommage. L'association des sinistrés du 21 septembre refuse de participer à la cérémonie officielle sur le site. Elle parle d'un déni de justice. Un troisième procès doit s'ouvrir le 24 janvier prochain pour déterminer les responsabilités dans cet accident. Va-t-il y avoir 8 candidats à la primaire de la droite et du centre? La haute autorité de la primaire rend publique la liste officielle aujourd'hui après avoir vérifié les parrainages des postulants premier et deuxième tour les 20 et 27 novembre prochains. L'adolescent de 16 ans interpellé avant-hier dans la Marne a avoué être l'un des auteurs de la fausse alerte attentat dans le centre de Paris ce week-end. Hier, 2 nouvelles interpellations de mineurs. Un garçon de 17 ans en Vendée à La Roche-sur-Yon et il serait le second hacker qui s'était vanté de l'appel à la police signalant la fausse prise d'otage à l'église Saint-Leu sur les réseaux sociaux et auprès de certains médias. Un adolescent de 14 ans a également été interpellé en Lozère. Les enquêteurs cherchent à connaître son degré d'implication. Qui a bombardé le convoi humanitaire près d'Alep en Syrie cette nuit? Les États-Unis disent tenir les Russes pour responsables. Moscou nie toute implication, ainsi que le régime syrien. Ils mettent même en doute l'existence d'une frappe aérienne qui a fait une vingtaine de morts. Selon un responsable américain, 2 bombardiers russes ont été signalés sur la zone au moment de la frappe. L'ONU a préféré suspendre ses convois humanitaires dans le pays en attendant une évaluation de la sécurité sur place. La Croix-Rouge, en revanche, a annoncé poursuivre ses activités. Toujours dans ce dossier syrien et après l'éclatement de la trêve d'une semaine entre les États-Unis et la Russie, François Hollande dit « ça suffit ». Depuis l'Assemblée générale des Nations Unies à New York, il a lancé un appel à la communauté internationale. Je cite « la tragédie syrienne sera devant l'histoire une honte pour la communauté si nous n'y mettons pas fin rapidement ». Il a exigé un cessez-le-feu immédiat, l'acheminement de l'aide humanitaire, permettre la reprise des négociations politiques et sanctionner le recours aux armes chimiques. Toujours à New York, le suspect des attentats à la bombe de Manhattan et du New Jersey ce week-end finalement inculpé pour utilisation d'armes de destruction massive, d'attaque à la bombe dans un lieu public, destruction de biens privés et utilisation d'engins de destruction pour commettre un crime violent. Une annonce du procureur du district sud de l'État de New York. Un peu plus tôt, le FBI avait reconnu avoir enquêté sur cet Américain d'origine afghane âgé de 28 ans il y a déjà 2 ans. 5h12 sur la première, le ciel nuageux dans l'est et la pluie l'a tombée sur Sainte-Suzanne. Oui, bah, un peu comme ces derniers jours en fait, le ciel sur la moitié est est gris ce matin au lever du jour avec des précipitations qui tombent encore cette nuit. Et puis les nuages portés par l'Alizé vont stagner sur la côte est quand vous réveillerez. Hein, si vous réveillez en ce moment, eh bien, ils sont encore là de Sainte-Suzanne à Sainte-Rose. Et puis ensuite, normalement, le ciel devrait se dégager et laisser place à un ciel généralement bien ensoleillé, même si effectivement sur le littoral est, la couverture nuageuse aura du mal à laisser passer le soleil. Les températures vont grimper rapidement après les petites fraîcheurs de la nuit, même si c'est un petit peu moins frais qu'hier. Il fait 21 degrés ce matin en se réveillant à Saint-Denis. Il en fera 27 cet après-midi. Grand matin avec Isabelle Waraud et Mickaël Laurette. Il est 5h13 oui, sur la première. Bienvenue à tous, bienvenue à toutes aujourd'hui. Journée de la paix. Alors faisons la paix. Bah oui, Oté. Faisons la paix, Isa. Pourquoi faire faisons la guerre paix. Faisons la paix. Faisons la mais paix. Mais t'es pas fâché. Donnez-moi ta main. Tiens. Donnez-moi ta main, mais c'est juste pour comme ton ça. Ton main est frais. Voilà, bah oui, un peu. Ouais. Tu es tout glacé. Un peu, c'est le matin. Comme un glaçon. Ouais, c'était pour le jeu hein, qu'on faisait la paix. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon. Voilà, on l'a fait. Vous aussi à la maison, vous faites la paix. Oui. Si vous avez, hier fait un la dilafé avec un môme, ou encore peut-être vous êtes un peu engrainé avec quelqu'un, oui. Eh bien n'hésitez pas à faire la paix. Faites comme nous, mais ne faites pas comme Brad et Angelina, jolie, qui ont divorcé. Mais les pauvres. Ils ont peut-être des raisons. Hein. On ira sur Twitter entre 5h et 8h pour voir toutes les réactions de tous les fans d'Angelina ou d'ailleurs les non-fans. Ça peut arriver aussi de ce couple. Brad et Angelina, joli. C'était vraiment le couple phare, le power couple. Ah, ouais. Yes baby, le power couple. Brangelina. C'est ça. C'est un peu comme Brad Pitt et c'est un peu comme Prisca et son marché. C'est ça. C'est le power couple. Une grande matin. Histoire d'amour. Grande histoire bah d'amour. Oui, bah salut Prisca. Oui. Coucou. Coucou, peace and love. Alors. Ah ouais. Pour ce mercredi et vous savez que la semaine prochaine c'est les vacances. Oui, c'est vrai. Déjà. Donc j'ai décidé aujourd'hui de vous emmener à Saint-Gilles. Oh, nous serons sur le marché de Saint-Gilles. C'est bien ça. Bon, vous finissez arrivé ou bien elle est encore en train de faire la route là? Ça y est, on est sur la route, on est presque arrivé dans le centre-ville de Saint-Gilles. Mais d'accord. Bon, je peux vous dire Isabelle que là. Faut oublier le maillot de bain. Hein, ah oui, oui, mais j'imagine. Ouais. 19 degrés bon. À Saint-Gilles. Ok. Sinon, un maillot de bain, mais un pull et un bonnet. Ah oui, mais ce qui est bien, ce qui est bien après ça, c'est qu'il n'y aura pas de vent. Donc, c'est l'avantage. Le même. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas de vent, il n'y a pas de pluie. Bah, bon. Oui, j'ai choisi cet endroit. Super. Et allez. Puis, avec un peu de chance, vous irez à la plage après, quand peut-être. Il fera beau. Oui, peut-être. Bah, oui, on ira vers 9h. Eh ben voilà. Voilà. À tout à l'heure, Prisca. 6h moins le quart. Pour le marché. 10h midi, les experts avec Claude Montagné. Le souci, c'est que je cherche un mode de garde qui me conviendrait. Préférable, assistant maternel à domicile. Vous pouvez passer ma machine sur l'auto pour connaître ce qu'est le problème. Est-ce qu'il a le droit à un petit appel ? Qu'elle prenne contact avec la CAF. Vraiment, les émissions que vous faites aident beaucoup de personnes. Les experts avec Claude Montagné, du lundi au vendredi de 10h à midi sur Réunion Première. Réunion Première vous invite pour la nuit étoilée. Une rencontre musicale afro-caribéenne le samedi 8 octobre à partir de 20h30 au parc Expobat de Saint-Paul avec Mickaël, LJ, Pompis, Marvin, Felicia Ross et plein d'autres artistes. Jouez et gagnez vos invitations en écoutant Réunion Première. Et tentez de gagner vos places pour la soirée VIP du jeudi 6 octobre. Première. Juliette, c'est la journée de la paix. On peut aussi dire que c'est la journée de l'amour. Alors à ce moment-là, oui. Hein, Juliette. Bonjour Juliette. Fais un petit effort. Bonjour Juliette. Non. Dis pas bonjour. Bonjour à tous. Excellent mercredi. Bah, si, je suis ravie d'être avec vous. Nous fêtons le Mathieu en ce 21 septembre. Je vous propose tout de suite, puisque vous l'attendez, de retrouver l'horoscope de la première. Bélier, vous faites du quotidien quelque chose de calme et de plaisant en ce moment. Taureau, vous allez agir de façon désordonnée. Gémeaux, une journée pleine de renouveau avec de nouvelles responsabilités aussi et beaucoup de dynamisme. Cancer, une bonne nouvelle se profile à l'horizon pour vous. Lion, vous avez une sacrée motivation et l'énergie nécessaire pour déplacer des montagnes en cette journée. Vierge, une séparation pourrait survenir pour les couples ensemble depuis peu de temps. Balance, quand on pleure plus souvent qu'on ne rit, il vaut mieux stopper ou changer. Scorpion, aujourd'hui vous n'aurez qu'à suivre le mouvement. Sagittaire, votre sensibilité et votre intuition sont deux atouts précieux aujourd'hui. Conservez-les. Capricorne, ça manque un peu de maturité dans vos réflexions en ce moment. Verseau, professionnellement, tout vous sourit. Et Poisson, termine par vous. Faites-vous confiance. Votre bonne étoile est avec vous et vous envoie chance et protection. Excellente journée à tous et à toutes. Merci Juliette, elle a dit bonjour à tous. Elle n'a pas dit bonjour Mickaël. C'est pas grave. J'attends toujours le bonjour Mickaël, Juliette. Oui, bah attends. Avec ça, nous, on les risque à battre longtemps. Bah oui, mais c'est pas grave. On essaye et puis on y croit toujours. L'espoir fait vivre, Isa. Filons à Auteuil, parce que l'espoir aussi fait vivre les joueurs de tiercé, quarté, quinté plus qui jouent chaque jour. Et hier, à Auteuil, il fallait jouer le 10, le 2, le 16, le 5 et le 18. 10, 2, 16, 5, 18. Numéro plus gagnant, 04, 42 cet après-midi. Nouveau quinté, 15h47, croisé la Roche. Prix de la Fédération Régionale du Nord, 14 partants. 2700 mètres à parcourir, 5 500 000 euros. Dans la tirelire, voici les pronostics du fouineur du GIR partenaire. Réunion première qui vous conseille le 6, le 3, le 7, le 2, le 9, le 13, le 4, hélas, 6, 3, 7, 2, 9, 13, 4, as pour le quintet de cet après-midi. Départ prévu à 15h47, 14 partants, 2700 mètres à parcourir et n'oubliez pas pour que le jeu reste un plaisir. Jouons responsable. Comme d'habitude, c'est important. Bah oui. Jouer et gagner aussi, c'est encore mieux. Tant qu'à faire. C'est clair. On va parler d'un médicament qui va nous permettre de recréer l'effort physique dans un instant. Ah, donc on vive la paresse. Voilà, plus besoin de faire de sport. David Saman, Faubéquet, sa première. Quatre heures la poussonner, faux debout, rouvre l'osier, petit coq la poussonner, là dans mon dos il passe, un petit frisson glacé, comme il dit soumac, soumac, soumac, soumac, les lèvres pour moi aller, t'es mon noir, pas toujours les gaillards. Non, des fois, avec connaître d'autres l'endroit. Mais n'a plus le temps, petits enfants. Mais n'a plus le temps, faut regarder devant. Hey, il faut donner pour aller, t'es pas là pour causer. Il faut donner pour aller, moi là pour gagner mon manger. Il faut donner pour aller, t'es pas là pour causer. Il faut donner pour aller, chaque faut béquer. Yolo! Hey! Dans la cuisine, un grec, café la pour couler. Compte des chics dans le fond de tasse. Oh, donne-lui moi les collets. Prépare mon temps de soupic. Plie pas mon gars de manger. Non, non! Oh, embrasse bien bonne maman. Ça pour la journée, t'es mon noir, pas toujours les gaillards. N'a des fois, avec connaître d'autres endroits. Mais n'a plus le temps, pour petits enfants. Mais n'a plus le temps, pour un garde au vent. Hey, il faut donner pour aller, t'es pas là pour causer. Il faut donner pour aller, moi là pour gagner mon manger. Il faut donner pour aller, t'es pas là pour causer. Il faut donner pour aller, chaque couille est faux béquet. Il faut donner pour aller, n'est pas là pour causer. Il faut donner pour aller, moi là pour gagner mon manger. Il faut donner pour aller, n'est pas là pour causer. Il faut donner pour aller, chacouiller faut béquer. Il faut donner pour aller. Il faut donner pour aller. Allons, poulet. Et c'est comme ça que ça se passe dans Grand Matin. Alors, avec David Saman, faux béquet sur Première dans Grand Matin. Ah, il y a des matins comme ça, on n'a pas envie. On n'a pas envie du tout. On est paresse. Oui. Et puis alors, on a encore moins envie d'aller faire du sport. Ah bah non, bah ça, c'est clair, net et précis. On a essayé. Hein, l'équipe voudrait bien. Hein de grand matin, on y arrive plus ou moins. Un petit peu. Avec quand même quelques difficultés. Puis petit lampe aussi. Cécile se transforme au fil des jours en faisant du sport. Mais enfin, au prix de quoi? Au prix de grosses courbatures. Hein, on parle de Cécile Thomas qui nous rejoindra tout à l'heure dans 8 minutes à 5h30 pour le journal. Mais alors, le problème, c'est qu'il y en a beaucoup qui veulent faire du sport. Ouais, ils veulent. C'est déjà un bon début. Ils y vont pas. Alors, comment on fait pour ces gens-là? Parce qu'il faut quand même faire de l'exercice physique, c'est important. C'est important pour la santé. Hein, c'est ce qu'on dit souvent. Ouais. Alors, des scientifiques. Bah oui. Ah, enfin, j'ai un truc. J'ai peut-être un truc. Dis. Des scientifiques d'université d'Ekin. Bon, à la limite, le nom de l'université, c'est pas très grave. Oui, les chercheurs ont cherché. De Melbourne. Mmh. Eh bien oui, ils ont cherché, ils ont établi un rapport en ligne qui a été mis sur Internet cette semaine. Leurs expériences ont démontré que les souris obèses auxquelles on donnait ce médicament ne montraient plus aucun signe de maladie cardiaque. D'accord. Le fameux médicament dont je vais vous parler. Mmh. L'équipe a été capable de déterminer quelles molécules dans les muscles réagissaient à l'exercice, l'exercice, et ensuite trouver un moyen de faire des heures sup aux gènes qui permettent de brûler les graisses. D'accord. En question. Ce médicament, eh bien, ils l'ont testé chez les souris, comme, comme vous l'avez compris, et pour le moment, on l'a pas testé chez les humains. Oui, ben non. Sauf que c'est la première étape du procédé d'essai. Mais les biologistes espèrent pouvoir développer une substance plus puissante encore, destinée aux humains, d'ici 5 à 10 ans. Alors, l'inactivité physique est une des causes majeures des maladies chroniques, on le sait. Le diabète, notamment, ça pourrait servir aux personnes atteintes d'obésité et aux personnes donc, de diabète type 2. Bon, alors, par contre, attention, elle ne peut pas imiter tous les bienfaits de l'exercice physique. Parce qu'on a remarqué quand même que chez les souris qui étaient traitées avec ce médicament, elles avaient également tendance à manger un peu plus. Ah ben oui, ben voilà. Donc le poids restait plutôt stable. D'accord. Donc mes amis, ce n'est pas encore demain que vous allez avoir un médicament qui va vous remplacer le sport. Eh ben non. Donc en gros, un petit coup de pied au cul, là. Hop. Et on y faut va. Faut se bouger. On y va. Bon. Sauf que bon, la flemme, c'est partout. Hein. C'est ça. Hein. Mais moi, j'ai trouvé des trucs pour ceux qui sont bien flemmards. Ouais, vraiment bien paresse, par exemple. Et pas qu'en sport. Tu es assis dans ton canapé, d'accord? T'es tranquille, t'es bien. Tu es sur une chaîne et ça te plaît pas. Donc il faut que tu changes de chaîne. La Mais la télécommande est là-bas. Aïe, sacrilège. Faut se lever, elle tout est ça. Sur le meuble c'est télé. C'est loin. C'est à un mètre de toi. C'est trop loin. Eh bien, voici venir le coussin. Tu regardes la télé à un mètre, toi? C'est pas bien pour les yeux. C'est pas bien. Non, c'est pas vrai ça. Ah bon. Non, ça c'est une légende urbaine, c'est pas vrai du tout. Bon. Eh bien, il y a le coussin télécommande. Le coussin télécommande existe. Bon, ça coûte 30 euros par là. C'est un coussin. Alors, c'est adaptable avec la plupart des téléviseurs, lecteurs DVD, Blu-ray, machin, tout ça, satellite, tout ça. Et tu as la tête sur ton oreiller, puis tu appuies. Voilà, tu mets la 12 ou la 14 ou la 21 ou la 20. Mmh, c'est bien, super ça. Flemme, c'est ça. Pas mal. Comme ça, t'as pas à te lever. Bon, sinon, t'as faim. T'as faim et l'assiette est là-bas, c'est loin. Ouais. Et toi, t'es fatigué. Eh bien, il y a la fourchette télescopique. 5 euros, 65 centimètres la fourchette télescopique. Pour cet ustensile de cuisine. Combien 65 centimètres. C'est bon, ça suffit. Tu piques ton saucisse comme ça, puis tu mets dans la bouche. Bon, par exemple, c'est pas cochon du tout. T'as une soirée, si tu veux, tu fais le service, d'accord? Tu fatigues, il faut vider dans un verre, puis prendre ta carafe, vider dans un autre verre. Voici venir la carafe double bec verseur. Non. Tu verses un coup, mais dans deux verres en même temps. Bien. Extraordinaire. Plus besoin de trop forcer sur le bras. Bah oui, tu es au bureau. On sait jamais. T'es au bureau, t'es fatigué. Tu veux piquer un petit somme. Oui. Sauf que t'es dans ton bureau, la table, c'est dur, un peu comme ici là. C'est molle. On est en studio. Voici venir pour moins de 10 euros la cravate gonflable. La cravate Prends ta cravate. Tu souffles dedans, ça gonfle comme ça et tu t'allonges dessus. Et ben voilà ce qu'il nous fallait et le matin quand ça va pas du tout. Voilà. Et ben on peut dormir 3 minutes au moins avec cette cravate gonflable. Et ben on va essayer. C'est ça. En tout cas, merci. Cravate gonflable. Merci Lisa de nous avoir donné encore plus la flemme ce matin. C'était pas le but. On allait se réveiller. On avait dit qu'on se remettait au sport. Aïe aïe aïe. Puis on essaye de se réveiller, oui. Tu sais quoi? C'est pas gagné. C'est pas. Oui, c'est même perdu d'avance, j'ai l'impression. Oui, bon, je pense bien. Le projet des Souliers Rouges, projet musical que vous connaissez peut-être, en tout cas Cœur de Pirate, Arthur H et Marc Lavoine, prennent en main ce morceau qui s'appelle Vivre ou ne pas vivre. C'est ça. Et nous, on aime bien dans Grand Matin. Alors on vous le dit. Donc maintenant, voilà, c'est rien parti. Pour vous. Allez, Instant Music Live sur Première. Vivre ou ne pas vivre. Vivre son rêve, même à tout prix. De tout donner le jour et la nuit. S'abandonner à l'infini. Vivre ou ne pas vivre. pour la gloire, pour les sous, pour un rêve devenu fou. Faut-il y aller à genoux? Vivre ou ne pas vivre pour cette passion qui nous dévore, où l'on peut voir passer la mort puisqu'elle fait partie du décor. Être seul, être là, être enfin face à soi-même. Vivre ou ne pas vivre. Être fort, être faible, être encore face à soi-même. Vivre ou ne pas vivre. Être nu, être beau, être beau face à soi-même. Vivre ou ne pas vivre. Être un jour ou une nuit, être en vie face à soi-même. Vivre ou ne pas vivre. Renoncer au grand amour, danser sans arrêt toujours, mais y'a rien qui tue. Vivre ou ne pas vivre, le paradis est-ce l'enfer? Est-ce la paix, est-ce la guerre? La vie vaut-elle une carrière? Vivre ou ne pas vivre. Être seul, être là, être enfin face à soi-même. Vivre ou ne pas vivre. Être fort, être faible, être encore face à soi-même. Vivre ou ne pas vivre. Être nu, être beau, être beau face à soi-même. Vivre ou ne pas vivre. Être un jour ou une nuit, être en vie face à soi-même. Premier conte musical de Marc Lavoine. Côté oui. Les souliers rouges, et c'est entouré de Arthur Ashe, mm-hmm. Cœur de pirate, pour ce morceau qu'on apprécie ce matin bien. Comme ça. Oh, oui. À 7h, vivre ou ne pas vivre. Ah oui, moi je dis qu'à 5h30, c'est parfait. Et c'est l'heure du journal, le journal de la rédaction présenté par Cécile Thomas. Bonjour Cécile. Bonjour Isabelle, bonjour Mickaël, bonjour à tous. Faut-il exploiter la carrière des Latani à la possession? L'avis de la population est de nouveau demandé sur le sujet. Nous ferons le point avec Hubert Debeux. 4000 cachets de Rivotril saisis sur une femme qui rentrait de Madagascar samedi. Ce médicament anti-épileptique est détourné par les toxicomanes. Sous effet, il passe plus facilement à l'acte de la violence qui se finit souvent au tribunal. Nous entendrons un spécialiste, le docteur Mété. Ils ont une deuxième chance, des jeunes sans diplôme sortis de l'école trop tôt tenteront leur chance dans les entreprises. Hier, ils ont pu entendre le témoignage de jeunes comme eux qui s'en sont sortis. Et puis, c'est la journée mondiale de la maladie d'Alzheimer. Nous ferons un point sur les rendez-vous d'information proposés à cette occasion. À la possession, pour ou contre le projet de carrière des Latani, c'est la question que pose la majorité communale à la population. Avant de prendre une décision, Vanessa Miranville souhaite redemander l'avis des citoyens, mais elle prévient, si la carrière n'exploite pas les gisements en roche de la commune, une hausse des impôts sera inévitable. En attendant l'ouverture de la carrière, c'est l'ouverture du dialogue citoyen, Hubert Debeux. La fin de l'année sera décisive pour savoir si la carrière des Latani sera exploitée ou pas. En attendant, la nouvelle mandature a décidé de re-questionner les possessionnaires. Vanessa Miranville. Nous remettons ce débat entre les mains des citoyens. Donc ils vont être consultés largement, donc ils vont recevoir des flyers dans leur boîte aux lettres, pouvoir participer à des réunions publiques, ils vont pouvoir participer à un panel citoyen de 300 personnes qui va nous aider à creuser tous les possibles. L'espace naturel tant convoité, situé en plein centre-ville, s'étend sur plus de 30 hectares. C'est depuis quelques mois la propriété de la ville. Pour la mairie de la possession, l'enjeu est financier. Avec la construction de son cœur de ville, elle aura besoin d'effectuer des travaux routiers qui coûteront 10 millions. La région s'est engagée à les payer contre l'exploitation de la carrière. Si les possessionnaires disent non, les impôts grimperont pour payer la note. Nous avons imaginé trois choix. Un premier choix où on laisse le site cœur de nature en l'état. On n'aménage pas le front de mer. On est obligé d'augmenter les impôts pour payer cette liaison. Un deuxième choix où ces différents aménagements sont payés soit par la région, soit par les redevances de la carrière. Un troisième choix, on va dire comme le deuxième choix, on aménage les différents espaces, mais cette fois en payant sur les impôts des possessionnaires. Le conseil régional de son côté met la pression sur la mairie. En 2013, Didier Robert avait signé une convention avec l'ancien maire de la possession pour la réalisation de ce projet de carrière. Hubert Debeu et à Saint-André, l'enquête publique sur le projet de carrière à l'Ermitage au lieu d'Imensiol se terminera demain, le 22 septembre. Ce projet couvre un peu plus de 29 hectares qui seraient exploités pour extraire des roches pour le chantier de la nouvelle route du littoral. L'exploitation du site doit durer 5 ans. Retour ce matin sur cette importante saisie de Rivotril. Une femme a été arrêtée samedi dernier à l'aéroport avec dissimulé sur elle pas moins de 4000 cachets de ce médicament. Elle a été interceptée par les douanes alors qu'elle rentrait d'un séjour à Madagascar. Le Rivotril est normalement prescrit aux épileptiques et utilisé de façon illicite par les toxicomanes pour ses effets secondaires désinhibants. À La Réunion, on estime que 400 personnes environ consomment régulièrement ces cachets pour être sous effet. Pour les spécialistes des addictions, c'est bien plus qu'un simple problème de santé publique. Le docteur David Mété est médecin responsable du service d'addictologie au CHU Félix Guillon à Saint-Denis. Le Rivotril, c'est avec l'artane, une de ces substances médicamenteuses les plus détournées en circulation à la Réunion. Et ce médicament, chez certaines personnalité va avoir un effet de désinhibition, c'est-à-dire que ça va leur donner un sentiment de bien-être, mais aussi de facilité, de toute puissance. Et si ces personnes sont mal intentionnées, le risque de passer à l'acte va être grandement augmenté. Et aujourd'hui, vraiment, en milieu pénitentiaire ou dans les affaires de justice, on constate que le Rivotril est, avec l'alcool, quelque chose qui est très souvent mentionné comme facteur facilitateur du passage à l'acte. Le docteur David Mété répondait à Delphine Poudroux et la mule qui transportait les cachets saisis samedi a été placée en détention provisoire. Elle a été mise en examen pour importation de marchandises prohibées, dangereuses pour la sécurité publique. Et puis, autre addiction qui fait des ravages, l'alcool et ses dangers sur la route. Un motard de 29 ans vient de passer sa première nuit en prison. Il a été condamné hier par le tribunal correctionnel de Saint-Pierre à 8 mois d'emprisonnement ferme pour avoir été interpellé par les gendarmes samedi à Saint-Louis au guidon de sa moto avec un taux d'alcoolémie de 3,3 grammes par litre de sang. Il avait déjà été surpris par la patrouille dans ce même type de situation en 2007, et en janvier dernier. Sa moto a été confisquée par la justice. 5h35 sur la première. La suite du journal, Cécile Thomas. La sécurité des élèves est-elle assurée dans les établissements scolaires de Lille avec la loi Évin? Il est interdit de fumer dans l'enceinte des écoles, des collèges et des lycées. Après les attentats, plus question de se regrouper à l'extérieur non plus, devant les portails pour fumer. Alors, que faut-il autoriser? C'est ce que demandent les proviseurs et les commissaires de police affiliés au syndicat UNSA. Ils ont formulé leur demande dans une lettre adressée aux différents groupes parlementaires de l'Assemblée nationale et du Sénat. La question fera partie des revendications qui seront relayées ce matin au recteur de La Réunion. Velayudom Marimoutou doit en effet rencontrer une délégation du syndicat national des personnels de direction de l'éducation nationale. Antoine Garnier. Une circulaire diffusée au lendemain des attentats de novembre 2015 autorisait les chefs d'établissement à aménager dans les cours de récréation des zones fumeurs pour limiter les attroupements devant les lycées. Mais la mesure a été retoquée par la justice administrative. C'est pourquoi le syndicat des commissaires de la police nationale et le syndicat des personnels de direction de l'éducation nationale demandent à ce que ces zones fumeurs soient inscrites dans les textes régissant l'état d'urgence. Serge Borderès est le secrétaire académique du SNPDEN UNSA Éducation à La Réunion. On n'est pas contre le fait de faire respecter la loi Évin, mais à côté de ça, on est en état d'urgence. Donc on demande à nos élèves de rester à l'intérieur, quitte à ne pas respecter la loi E20, ou on continue à les faire sortir avec des gros risques d'attroupement devant le lycée, parce que systématiquement, vous pouvez vous balader à chaque récréation devant les lycées de l'Académie de la Réunion, et puis même devant les lycées de France et de Navarre, vous verrez que les attroupements devant le lycée sont là. La mise en place de ces zones n'est pas la seule revendication du syndicat. Il demande aussi que des moyens soient enfin mobilisés pour sécuriser les établissements scolaires, avec notamment un plan de formation pour les agents chargés d'accueillir les élèves. Car ces hommes et ces femmes sont en première ligne en cas d'attaque, mais ils ne sont pas préparés à faire face à la menace terroriste. Antoine Garnier, on reste à l'école, mais pas dans le cycle normal. L'école de la deuxième chance qui offre une possibilité de rebond aux jeunes déscolarisés ou sans qualification qui souhaitent trouver un travail. Des entreprises locales jouent le jeu, elles les accueillent le temps d'un stage, d'un contrat. Hier matin, dans les salons de la préfecture, stagiaires et employeurs se sont retrouvés pour officialiser le partenariat qui les liera le temps de la deuxième chance. À cette occasion, d'anciens stagiaires ont pu témoigner de leur parcours auprès de ceux qui se lancent dans l'aventure. Et parmi les témoignages qui ont fait mouche, celui de Giovanni Boyer, Daniel Dambre. L'a rencontré. Je suis entré en février et au bout de 3-4 mois d'efforts, j'ai pu décrocher mon contrat à l'hôpital. C'est avec un sourire radieux que Giovanni Boyer raconte les mois passés à l'école de la seconde chance. Aujourd'hui, il est agent logistique en contrat d'avenir au CHU, un avenir professionnel longtemps inaccessible au jeune homme de 22 ans. C'est un passé qui a été très difficile. Après la fin de l'école, j'ai tout plaqué. J'aimais pas l'école, la rue. Voilà, je suis passé par là, jusqu'au jour du déclic. Le déclic, c'est le matin, on se lève et quand on va dans la rue, là où on part tous les jours, elle n'est plus si accueillante, on ne l'aime plus en fait. Ce jour-là, c'est le déclic et il ne faut pas lâcher. Giovanni lâche alors les dallons et la rue pour postuler à l'école de la seconde chance. Il fallait passer un entretien, on m'a pris, j'ai fait tous les efforts qu'il fallait, on m'a appris à être une autre personne, à avoir une autre mentalité professionnelle et moi, je suis très fier de ce que j'ai fait. Depuis 2010, 700 jeunes sans diplôme, sans formation sont pris en main chaque année par l'école de la seconde chance. Le dispositif vise l'emploi durable. Nicolas Deloffre est son directeur. Notre objectif, c'est de les aider à construire un projet professionnel qui soit en adéquation avec les réalités du tissu économique local, parce qu'on ne va pas les former à un métier qui n'est pas pourvoyeur d'emploi. On va passer par les stages, on va passer par la remise à niveau sur les savoirs de base. La formule semble profiter aux jeunes réunionnais, alors que la moyenne nationale est de 59%. L'année dernière, 64% des jeunes ont trouvé un emploi ou une formation à la sortie de l'école de la deuxième chance. Daniel Dambreville, avant de refermer ce journal, notez que c'est aujourd'hui la journée mondiale de la maladie d'Alzheimer, mais les manifestations sont organisées durant plusieurs jours pour sensibiliser à la maladie. On estime que 8000 personnes sont atteintes par Alzheimer à La Réunion. Il n'y a pas de moyen de guérir. Ce soir, deux tables rondes à Saint-Denis et à Saint-Pierre sont organisées autour des aidants, ceux qui prennent soin de leurs proches malades. Un aperçu du programme de ces journées avec Gabrielle Fontaine, la présidente de France Alzheimer Réunion. Nous avons deux tables rondes sur la problématique des aidants au travail, enfin les aidants qui travaillent. Les deux tables rondes auront lieu à la même heure, à 18h. Ensuite, il y aura la quête sur la voie publique le 22, 23 et 24 septembre. Et la journée du 25, c'est une journée un peu sportive où nous aurons une course et une marche qui seront organisées depuis Bois-Madame jusqu'au cœur vert familial à Saint-Denis. Là, bon, c'est très important que les gens viennent nombreux parce qu'évidemment, nous comptons sur les inscriptions et cet argent qui rentrera dans nos caisses, ça sera pour justement apporter aux malades et à leurs aidants la possibilité d'avoir du soutien. Gabrielle Fontaine qui était interrogée par Karl Sivat. Merci Cécile. Merci Cécile. À tout à l'heure. 5h40 sur la première. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. Ah, c'est plus doux ce matin. Mmh. Et puis moi j'essaye de relever mon siège. Parce que j'ai un peu de difficulté. À chacun ses problèmes. Je vous avouerai, oui, c'est ça. On pourrait peut-être les changer c'est un bon. Moment, hein, ces sièges dans les studios. Merci. Merci le boss, il nous écoute. Bon, oui, ce matin plus doux, effectivement, parce qu'on a des couvertures nuageuses dans l'est, entre Sainte-Suzanne et Saint-Philippe. Il y a quelques averses qui tombent par endroits. On en a eu tout à l'heure vers 5h sur la plaine des Palmistes ou encore la région de Brapanon. La température, donc ce matin, douce, 20 degrés par exemple à Saint-Gilles. 21 à Saint-Denis et 14 du côté du Tampon. On a connu bien plus frais. Et 6 au Volcan. Ciel ensoleillé sur la moitié ouest. Ciel nuageux donc entre Sainte-Suzanne et Saint-Philippe. Des nuages qui peuvent déborder jusqu'à Saint-Denis. Ce matin, on va garder cette couverture nuageuse qui va avoir du mal à se déchirer. Mais on aura quand même quelques éclaircies sur la partie est. Sur la moitié ouest, ce sera pas mal le matin. Par contre, l'après-midi, bah, les nuages vont s'emparer des hauteurs. Grand Bénard, Dodane devraient être sous la grisaille notamment. Cette grisaille qui va avoir tendance à déborder sur les plages. Globalement, c'est la journée va bien se passer, surtout sur le sud-ouest, entre l'étang Salé et Saint-Pierre, où il y aura un peu de vent, 50 km/h, tout comme sur Saint-Denis. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. Il est 5h42. Ben oui. Et avant 6h, on vous fait gagner des places pour le concert. On vous emmène en concert. Ça se passera au 99-2000. On a le temps, folle pas tout de suite. Et juste après, grain de semer, on va sur le marché. Timaric. Timaric, il rêve la Réunion. Timaric, il rêve l'issotin de béton. Timaric, il rêve la Réunion. Timaric, il rêve l'issotin de béton. Timaric, il rêve. Ni décane la diam, sauf pour faire caillon, pour avivre d'un kéan. Timaric y rêve, ni détac la langue, pour nous prendre ma main, maloya descend. Timaric y rêve la Réunion. Timaric y rêve, l'y saute d'un béton. Timaric y rêve la Réunion. Timaric y rêve. Timari qui rêve, ni décane la tréan, pour nous plantes de riz, pour nous plantes de grains, même sans samaï, pour nous guémoser, au lexique nous dé, sans sa fin l'engrais. Timari qui lève, là au bras pondou, Timari qui lève, au son is animaux. Timari qui lève. Timaric il aime des fanas la pli pour kip son carreau typiment oiseau. Timaric il aime même si les gars même si soleil là pour fatigali. Timaric qui rêve, il rêve la Réunion. Timaric qui rêve, l'y saute d'un béton. Timaric qui rêve, il rêve la Réunion. Timaric qui rêve, l'y saute d'un béton. Timaric qui rêve, il rêve la Réunion. Timaric qui rêve, l'y saute d'un béton. Timaric qui rêve. Et Graine Semet nous fait le plaisir encore ce matin d'être là avec nous, avec son petit Maric. Le petit kiff de, voilà. De grand matin. Extrait de leur nouvel album qui s'appelle Hors Sol. 5h45 sur première. Allez, il est temps d'aller faire un petit tour là du côté de Saint-Gilles. Bah oui, on va voir ce qui se passe sur les étals du marché. A tout de suite. Les 23 et 24 septembre prochains, c'est la 7e édition du Festival Kalougang au Parc des Expositions et des Congrès de Saint-Denis. Retrouvez en concert Morgan Héritage, Kalash, Kiltir, Esther Rada. Et venez découvrir le chanteur haïtien Bitova au basse. Toute la programmation et les infos pratiques sont sur kalougang.re. Vendredi et samedi, One Time avec Roddy Cox. Roddy Cox. L'émission des nouvelles tendances, des nouveaux talents de la rue, nouveautés hip-hop, R&B, dancehall, reggae, trap, interview de malade, ambiance dance floor du début de week-end. Mets-toi bien, bébé. One Time avec Roddy Cox. Roddy Cox. Vendredi et samedi, de 20h à 23h sur Réunion Première. Première. Et on rejoint Prisca tout de suite. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. Alors Prisca, il fait plus doux ce matin ou pas? Oui, pas besoin de la cravate gonflable. Bon, il dort pas. Ça c'est pour dormir, non, ça. Hein. Bon, je suis avec Dick. Je suis avec Dick. On est en train de faire griller Dick. Des merguez. Oh là là là là. Dick Mobile. Du lourd ce matin à Saint-Gilles. Bonjour. Oui, bonjour. Il y a du lourd aujourd'hui ce matin. Ah bah merguez, oui, il y a Dick. Qu'est-ce qu'on mange avec le café? Merguez, on gagne la catine. Aïe, aïe, aïe. Mettez un petit morceau de pain de côté pour vous, mes amis, là. Ah bah oui, alors. Ah oui, bien chaud. Mais la piment dans le dakatine. Oui, bien fort, même. Donc là, vous servez le petit déj, Dick, et après, on remonte la case ou dans votre laboratoire pour faire à manger pour ce midi, c'est ça? Voilà, ça même, mes six amis, c'est un mur de la cuisine à la maison. Mais bon, Dick, c'est votre prénom ou votre pseudo? C'est mon pseudo-nom. Ah bon, ok, pourquoi Dick? Pourquoi Dick? C'est mon défunt grand-père qui m'a donné ce petit nom. Dick Frédéric. Ah, c'est pour ça, Dick Frédéric. Ok, bon, ben c'est noté. Qu'est-ce qu'on va manger à midi, Dick? C'est midi, on va manger un gratin de chouchou pomme de terre, un riz cantoné, sauté mine, du poulet croustillant, du civézourite, du tigeage boucané. Oh et le dernier, je ne me rappelle plus que m'avait fort, mais regarde sur mon petit menu. Sauté poulet aux oignons, c'est ça? Poulet aux oignons, voilà, un chinois. Je viens de prendre 12 kilos. Ah, vous voulez quoi, vous, Michael? Mais non, mais je viens de prendre 12 kilos avec tout ça, moi. Un petit peu de chaque. Un petit peu de chaque, c'est bien. Conserve, vous l'appétit. Ah, bah oui. Les bons, Dick. Effectivement. Pas besoin, t'as pas attiré 10h30, on parle après. Ah, bah. Et en plus, ici, le site, il est merveilleux puisqu'il y a la plage, hein, très loin du marché. Ouais. Donc là, on est dans la phase d'installation, hein, Dick. Hein. Voilà. Petit déjeuner pour les forains, un peu de café, un peu de lait. Et du pas de sardines aussi, sardines et les merguez surtout. Oui, parce qu'on fait salade sardine, c'est ça, avec un peu tout. Vous savez ce qu'on va faire? Oui. On va rajouter un peu de miel dans notre café ce matin, parce qu'il y a un spécialiste du miel, là, il y a un apiculteur qui vient d'arriver, et on va faire une petite dégustation tout à l'heure à 6h20. C'est bon? Ça roule. Avec grand plaisir. Préparez votre cuillère, les amis. À tout à l'heure. Salut Prisca. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. C'est bon, t'as amené tes platines, DJ? DJ, DJ fou, non mais il fait des gestes quand même, c'est ça qui est bien, il peut me répondre avec tu des gestes. Tu comprends ce qu'il dit? Ouais, à peu près, ouais. Je commence à décoder le langage du DJ fou. Ouais. DJ fou est là, ça veut dire qu'on joue. À tout de suite. Grand matin, le mixeur. Ah, tout de suite maintenant en fait. Ouais, c'est là en c'est fait. Maintenant. C'est maintenant qu'il faut prendre son téléphone et composer le 99-2000. Voilà, bah il a mixé deux titres, DJ Fou. Mm-hmm. Il faut trouver soit le titre, soit l'artiste. Voilà, c'est pas plus compliqué alors, que ça. Écoutez, il y en a deux. Ce sont des standards de la chanson. Mm-hmm. En même temps, il connaît pas grand chose, donc il fait avec ce qu'il a. Allez, mais enfin, c'est déjà pas mal. Allez. Oh. Le titre. Écoute bien. Ouais. Facile. Facile. Le titre est dedans. Le titre est dedans. Bah voilà. Oui, Le titre est dedans, donc il n'y a pas plus simple. Le premier, c'est un standard. Oui. De Benny King. Oui, c'est Stan ça. Stan quelque chose, ça, non? Bah oui, Stan machin, oui. Je sais pas quoi, Stan là. Machin. Enfin, oui, bah, Stan quelque chose. Quand même, quelque chose. Stan quelque chose, c'est quelque quand chose. Même un titre phare de la chanson internationale. Donc, Stan quelque chose, un petit peu. Un petit j'ai peu. Rien dit. Bon. C'est pas comme si j'avais dit un petit peu, enfin. Allez, Benny King pour le premier. Et puis, pour le deuxième, bon, le quoi. Titre est donné. Bah oui. Allez, on va au standard. C'est allez, parti. C'est parti. On file au standard, on accueille qui? Bonjour, bonjour. Avec la radio qui est baissée, c'est super, si c'est possible. Il n'y a pas de problème. Soucis. C'est comment votre prénom? C'est Chrislaine. Chrislaine. Ouais. On vient d'où, Chrislaine? De Saint-André. De Saint-André. Chrislaine, vous faites quoi ce matin à part être sur la route? On va travailler. Hein. Mmh. Ouais. Vous êtes dans quoi, Chrislaine? Dans l'import et export. L'import et export. Oui. D'accord. Bah, c'est intéressant. Et vous importez quoi? Des produits alimentaires. Ah, d'accord. Ok. Bon, mais Chrislaine, vous avez trouvé alors ce qui s'est caché derrière le titre? Je sais pas. Essaye. Je sais pas, on verra. Alors Donc, le, par contre, j'ai les titres. C'est déjà très bien. Stand By Me. Oui. Eh ben oui, c'est le premier, Stand By Me. Et l'autre, c'est Bad Boy de Marseille. Bad Boy de Marseille, effectivement. Hein, bah Akhenaton. Et Stand By Me, Benny King. Bah, bravo, ma chère Chrislaine. Bravo, ma fille, pas plus compliqué que ça, au thé. C'est fait. Chrislaine, vous repartez avec vos invitations pour ce grand concert Enfants Illois. Pour vous, petit stade de l'Est avec Cassia, l'Indigo, la musique pendant 3 heures de temps. Et vous y serez. Bravo, félicitations. Vous allez craser un bon Maloya, Chrislaine. Ah oui, ma fille. Bon, vous crasez bien, ma Chrislaine. Vous crasez bien. Bon, alors... faites-nous une petite vidéo sur la page Facebook Grand Matin. Bah oui, non. Je vais mettre. Oui. La journée. L'année prochaine, oui, Chrislaine. Je vais voir. On vous fait des bisous, Chrislaine. Bisous, à bientôt. Merci, bisous vous aussi. Merci, Réunion Première. Il est 5h51. Voici les avis de décès. Les avis de décès avec Réunis Solidarité, Mutuelle Obsèques et Complémentaire Santé. Réunion Première vous fait part du décès de Madame Etchiandas Lucienne. Madame Etchiandas Lucienne, le décès est survenu hier à l'âge de 76 ans. Le convoi mortuaire sortira du centre funéraire de Stella aujourd'hui à 14h. La bénédiction aura lieu en l'église de Saint-Leu à 14h30, suivie de l'inhumation au cimetière du même lieu. Décès de Monsieur Ajagamel Samuel. Monsieur Ajagamel Samuel, le décès est survenu hier à l'âge de 46 ans. Le convoi mortuaire sortira du centre funéraire sud aujourd'hui à 15h. La bénédiction aura lieu au centre funéraire à 14h30. L'inhumation aura lieu au cimetière de Saint-Pierre. Décès de Mademoiselle Jouque Charlotte. Mademoiselle Jouque Charlotte Danielle Jocelyne, dite Zouquette ou Jo. Le décès survenu lundi à l'âge de 21 ans. Le convoi mortuaire sortira de chez ses parents au numéro 361, chemin Coco, les Marocains à Sainte-Rose. Aujourd'hui, la levée du corps aura lieu à 12h30. La bénédiction aura lieu au centre funéraire de Prima à 13h30, suivi de la crémation. Décès de Madame Georgette Marie-Thérèse. Madame Georgette Marie-Thérèse, le décès survenu hier à l'âge de 79 ans. La veillée a lieu au domicile 1, sentier Nassibia aux Avirons. Le convoi mortuaire sortira de cette adresse aujourd'hui à 15h15. La bénédiction aura lieu en l'église des Avirons à 16h, suivie de l'inhumation au cimetière du même lieu. Décès de Madame Grondin Marie-Josée. Madame Grondin Marie-Josée, le décès survenu lundi à l'âge de 71 ans. La veillée a lieu au domicile 8, chemin Petite France à Sillaos. Le convoi mortuaire sortira de cette adresse aujourd'hui. La bénédiction aura lieu en l'église de Sillaos à 9h, suivie de l'inhumation au cimetière du même lieu. Décès de Monsieur Julie Jean-Luc. Monsieur Julie Jean-Luc, le décès survenu dimanche à l'âge de 63 ans. Le convoi mortuaire sortira du CHU de Saint-Pierre aujourd'hui à 9h30. La bénédiction aura lieu en l'église du Platte à 11h, suivie de l'inhumation au cimetière du Platte. Décès de Madame Rubeg Marie-Isabelle. Madame Rubeg Marie-Isabelle, décès survenu hier à l'âge de 29 ans. La veillée aura lieu chez sa grand-mère, Madame Gourville Marie-Eugénia, 19 rue des Camélias Sainte-Clotilde. La bénédiction aura lieu aujourd'hui 15h30 en l'église de la Trinité, suivie de l'inhumation au cimetière de Prima. Décès de Madame Zit Marie-Irène Annick Néignas. Madame Zit Marie-Irène Annick Néignas, le décès est survenu lundi à l'âge de 57 ans. Le recueillement se tient actuellement à son domicile au 18 rue du Festin, appartement numéro 4 au port. La bénédiction aura lieu aujourd'hui à 16h en l'église de la ZUP au port, suivie de l'inhumation au cimetière paysager du port. Décès de Monsieur Waro Joseph, Monsieur Waro Joseph Dijot, ancien professeur au collège Marthe Robin. Le décès est survenu le 19 septembre à l'âge de 60 ans. Le convoi mortuaire sortira de son domicile au 380 rue Hubert de Lille au Tampon aujourd'hui à 14h. La bénédiction ralliant l'église de la Chatoire au Tampon à 14h30, suivie de la crémation au centre funéraire du Sud. Décès de Monsieur Tatel Julien Antoine. Monsieur Tatel Julien Antoine, le décès est survenu hier à l'âge de 89 ans. Le convoi mortuaire sortira de son domicile 74 chemin de la Digue à Bois-de-Neuf-Saint-Paul. Aujourd'hui à 16h, la bénédiction aura lieu en l'église de Savannah à Saint-Paul à 16h30, suivie de l'inhumation cimetière de l'étang Saint-Paul. Décès de Monsieur Ludovic Jean-Baptiste. Monsieur Ludovic Jean-Baptiste, décès survenu lundi à l'âge de 78 ans. Le convoi mortuaire sortira de son domicile 7 chemin Grondin-Marcel à Grandfond, Piton-Saint-Leu, à 15h30 cet après-midi. La bénédiction aura lieu en l'église de Grandfond à 16h, suivie de l'inhumation au cimetière de Piton-Saint-Leu. Décès de Madame Sensée Marie-Louisette, née Mao.

Et c'est l'heure du journal. Florent Marot, bonjour. Bonjour Isabelle, bonjour à tous. Nouvelle tentative pour enrayer la hausse du chômage. Des entreprises locales ont décidé de s'associer avec l'école de la deuxième chance. Elles vont proposer des stages, voire même un contrat aux jeunes stagiaires. Le partenariat a été officialisé hier. Reportage à suivre. Se dirige-t-on vers le retour de la cigarette dans les écoles? Certains demandent à ce que les élèves puissent fumer à l'intérieur des lycées pour diminuer le risque en cas d'attaque terroriste. On saura le 14 décembre s'il y aura une carrière au Lataniers à la possession. En attendant, la mairie a décidé de reposer la question à la population. Mais Vanessa Miranville a été claire. Soit la ville accepte, soit elle devra mettre en place une hausse des impôts. Et puis aujourd'hui, 21 septembre, c'est la journée mondiale de la maladie d'Alzheimer. 8000 personnes sont atteintes de la maladie à La Réunion. On parlera des aidants à la fin de cette édition. On commence ce journal avec un chiffre. À La Réunion, 60% des jeunes de moins de 25 ans sont au chômage. Les causes sont connues, mauvaise santé du marché du travail, mais aussi absence de formation ou de qualification. Alors pour aider ces jeunes sans diplôme, Edith Cresson a imaginé il y a 20 ans l'école de la deuxième chance. Dans l'île, depuis 2010, la structure accueille en moyenne 700 jeunes par an, des stagiaires qui intéressent les entreprises. Hier à la préfecture, stagiaires et employeurs se sont d'ailleurs retrouvés pour échanger et formaliser les partenariats. Daniel Dambreville était sur place. C'est un fait, l'école de la deuxième chance ne peut exister et réussir sans l'implication des entreprises locales. L'objectif du dispositif est d'aider les jeunes éloignés de l'emploi à trouver un boulot ou une formation. Depuis 6 ans, 2690 entreprises ont ouvert leurs portes. Parmi les partenaires de longue date, Total Réunion, Laetitia Presse, sa présidente. En fait, on est partenaire de l'école de la deuxième chance, sans le savoir depuis très longtemps. Au travers des stations-service et de la spécificité réunionnaise d'avoir des pompistes, on a déjà cette tradition d'emploi nécessitant assez peu de qualifications, mais beaucoup de motivation, d'empathie, d'accueil. On a décidé d'utiliser ces bonnes pratiques pour en faire un vrai partenariat. Jeunes sont actuellement en stage dans les stations-service du groupe. Aurélien Carpagnan, lui, a décroché un contrat de professionnalisation comme pompiste, un contrat qui s'offre à lui comme une seconde chance. J'ai arrêté l'école en troisième, je suis parti en contrat d'apprentissage. Un mois avant, je passe mon CAP, j'ai fait un accident de la route. Le jeune homme tente alors sa chance auprès de l'école de la seconde chance qui vient d'ouvrir à Saint-André. C'est des stages de 1 à 2 semaines. On nous a appris de faire une lettre de motivation de A à Z. Sans cette école, vous auriez eu cette deuxième chance? Non. Vous êtes sûr? Sûr. Dans le moment de la rue, comme ça, là, c'est Dieu de trouver un patron comme ça parce qu'il dit comme ça. Ben, regarde, il n'a pas parti l'école, donc il n'est pas sérieux. En 6 ans, sur 2444 jeunes accueillis, 435 ont été embauchés. Et cela grâce aux entreprises partenaires de l'école de la deuxième chance. Plus de 2600 d'entre elles jouent le jeu à La Réunion. Dans le reste de l'actualité, un motard de 29 ans vient de passer sa première nuit derrière les barreaux. Il a été condamné hier à Saint-Pierre à 8 mois de prison. Samedi à Saint-Louis, il a été interpellé au guidon de sa moto avec 3,3 grammes d'alcool par litre de sang. Et ce n'était pas la première fois. Sa moto a été confisquée par la justice. On parlait de l'alcool à consommer avec modération, mais il y a aussi la cigarette, mauvaise pour la santé. Et pourtant, certains se posent la question, faut-il autoriser la cigarette dans l'enceinte des lycées? L'objectif pour les proviseurs et les commissaires de police affiliés au syndicat UNSA, c'est de diminuer les risques en cas d'attaque terroriste. Le thème de la sécurité qui sera abordé ce matin avec le recteur Velayudom Marimoutou, principal du collège de Trois-Bassins, Serge Borderès, souhaite notamment parler des agents chargés de filtrer les entrées dans les établissements. Selon lui, ils ne sont pas suffisamment préparés. Ces agents d'accueil, depuis l'état d'urgence, n'ont absolument pas été formés à ces problèmes de sécurité. Dans n'importe quel magasin, il y a toujours des agents de sécurité. Et dans les établissements scolaires, qui semblent être peut-être les prochaines cibles des attentats terroristes, on n'a aucun vigile. Donc, de toute manière, on n'a pas la dotation de moyens de personnel de vigile de sécurité à l'entrée des établissements scolaires. Et nos agents ne sont absolument pas formés à ce nouveau problème de gestion de la sécurité. Du côté de la Fédération de parents d'élèves de l'enseignement public, la PEP, le constat est identique. Il n'y a, pour ainsi dire, pas de moyens mobilisés pour renforcer la sécurité des établissements. James Huette, le président départemental de la PEP. Nos écoles, nos lycées ne sont pas équipés. J'avais demandé, moi, qu'on puisse éventuellement prévoir un interphone aux entrées des écoles, quand le directeur d'école est dans sa classe, quand même qu'elle puisse voir qui entre dans l'école, donc au minimum un interphone. Là, je pense que c'est un problème de budget, donc on n'y est pas du tout. Nos gamins, quand ils sont à l'école, doivent être en sécurité. Nous devons faire le nécessaire pour que nos établissements scolaires soient sécurisés. Aujourd'hui, nos établissements scolaires ne sont pas sécurisés. Des réactions recueillies par Antoine Garnier. Le pouvoir d'achat des retraités au centre des discussions hier à la préfecture. La CFDT et l'UNSA sont allés sur place pour déposer une pétition. Ils veulent alerter les autorités à l'approche du 1er octobre, date de la revalorisation des pensions de retraite. Des pensions qui n'augmentent pas, contrairement aux salaires. Les planteurs, eux, bloquent toujours ce matin les usines du Gol et de Bois-Rouge. Ils auraient obtenu quelques avancées, mais souhaitent aller plus loin. Plus de précisions dans le journal de 6h30. Nous serons en direct avec Jean-Bernard Gontier, le président de la Chambre d'Agriculture. 6h06 sur la première, la suite du journal, Florent Marot. Y aura-t-il une carrière au Latanier à la Possession ? Réponse du conseil municipal le 14 décembre prochain. En attendant, la mairie a décidé de reposer la question à la population. L'espace naturel tant convoité est situé en plein centre-ville et s'étend sur plus de 30 hectares. En 2013, Didier Robert et l'ancien maire de la Possession, Roland Robert, avaient signé une convention et la population n'avait pas été consultée. Vanessa Miranville souhaite faire autrement. La convention de 2013 acte que la mairie de la Possession permet l'exploitation de la carrière des Lataniers et en échange, la région Réunion finance la sortie routière, pédestre, cycliste du cœur de ville vers la route du littoral. On aura 5000 habitants qui à terme habiteront d'ici 10 ans dans cœur de ville. On ne peut pas se permettre de leur demander d'emprunter les voies déjà existantes qui sont déjà saturées. Maintenant, c'est des financements de plusieurs dizaines de millions d'euros. On n'a pas forcément les moyens financiers sur les fonds propres de la mairie. Donc on ne peut pas prendre ces décisions, et notamment si celle d'augmenter les impôts était choisie, sans consulter largement les possessionnés. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Vanessa Miranville, maire de la Possession, au micro Réunion Première d'Hubert Debeu. Décision donc le 14 décembre prochain. Mais on l'a entendu, Vanessa Miranville a été claire. Soit la ville accepte la carrière et la région paiera les travaux routiers nécessaires pour le cœur de ville, soit le projet est abandonné et ce sont les impôts qui pourraient compenser. Une carrière en plein centre-ville, est-ce bon pour le tourisme ? L'invité de la matinale aujourd'hui parlera tourisme, justement. Philippe Dornier reçoit à 7h15 Sophie Durville, la présidente du club du tourisme. 8000 personnes seraient atteintes de la maladie à La Réunion ce 21 septembre. C'est la journée mondiale de la maladie d'Alzheimer. Des manifestations sont prévues jusqu'à dimanche. Malheureusement, il n'y a pas de guérison possible. Le rôle des aidants est donc fondamental. L'association France Alzheimer Réunion a besoin de bénévoles et de soutien. Les précisions de Gabrielle Fontaine, la présidente de la structure. Une manière de donner aussi, c'est donner son temps. Être bénévole dans une association comme celle-là, c'est apporter son soutien aux aidants, venir faire un peu de aider, par exemple, pour préparer le matériel pour la quête, aider pour la journée mondiale. Et puis nous faisons une formation, il y a une psychologue qui fait justement la formation des bénévoles pour qu'il puisse y avoir des visites à domicile quelquefois, et c'est important aussi. Oui. Mais pour cela, il faut être, je dirais, pas formé, parce que quand on vient et qu'on est bénévole, on a tout son cœur et on est... Mais il faut quand on ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe comment chez les gens. Le rôle de l'écoutant prend toute sa dimension. Gabrielle Fontaine, la présidente de l'association France Alzheimer Réunion, interrogée par Karl Sivat. Et puis c'est dans l'actu, ce mercredi reviendra sur la double vie des aidants. Ce sera à 12h15 avec Philippe Dornier. C'est la fin de ce journal local. Place maintenant à l'actualité nationale et internationale avec nos confrères de France Info. Et on parle ce matin de la primaire à droite avec Anne-Charlotte Costabadi. On connaîtra aujourd'hui la liste officielle des candidats de la primaire de la droite et du centre. La haute autorité de la primaire rend sa décision aujourd'hui après avoir vérifié les parrainages des postulants. A priori, il devrait être 8. Les élections, c'est les 20 et 27 novembre prochains. De nouvelles interpellations dans l'enquête sur la fausse alerte attentat ce week-end dans le centre de Paris. Un garçon de 17 ans en Vendée à La Roche-sur-Yon. Il est soupçonné d'être l'un des deux hackers qui s'était vanté de l'appel à la police signalant la fausse prise d'otage à l'église Saint-Leu sur les réseaux sociaux. Le premier, Dylan, âgé de 16 ans, interpellé avant-hier dans la Marne, a avoué être l'un des auteurs du canular. Un adolescent de 14 ans aussi en Lozère. Les enquêteurs cherchent à connaître son degré d'implication. C'est aujourd'hui la 23e journée mondiale de la lutte lutte contre la maladie d'Alzheimer. Cette maladie neurodégénérative touche près de 900 000 personnes en France. Elle devrait être 1 300 000 d'ici 2020. Triste anniversaire, il y a 15 ans jour pour jour, une explosion dans le complexe chimique AZF à Toulouse. 31 personnes étaient mortes le 21 septembre 2001, avec près de 2500 blessés. Des commémorations sont prévues à Toulouse dans la journée pour leur rendre hommage. Le FBI a-t-il correctement fait son travail concernant le suspect des attentats à la bombe de New York et du New Jersey? Le bureau d'investigation américain a reconnu avoir mené l'enquête sur cet Américain d'origine afghane de 28 ans, il y a maintenant 2 ans. Il n'avait trouvé aucune indication de lien avec le terrorisme, malgré l'inquiétude de proches face à son changement de comportement après des voyages en Afghanistan et au Pakistan. Les autorités ont aussi retrouvé sur Rahami un carnet lors de son interpellation, ainsi qu'une note manuscrite qui a attesté de son goût pour les idéologies radicales. Il faisait aussi référence à Oussama Ben Laden, ainsi qu'à un idéologue d'Al-Qaïda. La Maison-Blanche accuse la Russie d'être responsable du bombardement d'un convoi humanitaire lundi près d'Alep en Syrie, frappe qui a fait près de 20 morts. Le régime syrien et son allié Moscou ont nié toute participation. Un général russe a même mis en doute la frappe aérienne. Ben Rhodes, conseiller du président Barack Obama, affirme qu'il s'agit bien d'une frappe aérienne et selon un autre responsable américain, 2 bombardiers russes ont été signalés sur la zone au moment de la frappe. Et puis de New York, de l'Assemblée générale des Nations Unies, François Hollande, concernant ce dossier syrien, a dit « ça suffit ». Il a détaillé les 4 exigences de la part de la France. Imposer le cessez-le-feu, assurer l'acheminement immédiat de l'aide humanitaire, permettre la reprise des négociations politiques et sanctionner le recours aux armes chimiques. La 6e journée de Ligue 1 de football avec Paris qui bat à domicile Dijon, le promu 3-0. Il reprend donc provisoirement la tête du classement. Toulouse s'est imposé à Lille 2-1. Merci de vous réveiller avec nous, 6h12 sur la première. Le temps ce matin, Michael, oh, c'est coup-ci, c'est coup-ça, c'est mitigé. Bah, la Réunion est encore partagée en deux. Entre Saint-Denis et Saint-Philippe, bah, c'est la soupe à la grimace. Voyez, c'est ça, hein, c'est gris quoi. C'est gris, bon, voilà. C'est même pas Milecci, Milongani. Non, rien, gris même. Gris. Tout gris. Sur le département, alors que de l'autre côté, dans l'ouest, entre la Possession et Saint-Pierre, c'est bien mieux. Le ciel est plus dégagé avec du soleil, donc on va garder ce même type de temps une bonne partie de la matinée, même si la couverture nuageuse va avoir tendance à se déchirer sur la côte est. On n'est pas à l'abri d'une ou deux pluies, d'une ou deux averses, notamment sur le bas. C'est tombé ce matin très tôt, c'est tombé aussi du côté de la plaine des Palmistes, donc ce temps va persister et cet après-midi les nuages vont s'imposer aussi sur les hauteurs de l'ouest, Grand Bénard ou Dodane et déborder sur la côte ouest. Il n'y a qu'une seule région entre l'étang Salé et Saint-Pierre, on devrait avoir vraiment de belles éclaircies. Où ça donc ? Ailleurs, entre l'étang Salé et Saint-Pierre, ailleurs c'est quand même beaucoup plus mitigé, du vent qui souffle à 50 km/h, mais l'avantage c'est que les températures remontent. On l'a senti ce matin, douceur à Saint-Denis, 21 degrés, on ira jusqu'à 27 degrés sur les plages cet après-midi, et les températures vont continuer de monter doucement, hein, mais sûrement jusqu'à la fin du week-end, avec, on l'espère, un peu plus de soleil. Ah bah on l'espère bien, hein. On fait un point circulation. Bonjour Yves. Salut Yves. Bonjour Isabelle, bonjour Mickaël. L'air de repos de la route des Tamarins, c'est à la Saline. Un camion n'a pas réussi à rejoindre cette aire de repos. Donc il est tombé en panne, donc il est sur la voie lente. Ça se passe, on est au niveau de la ravine Saint-Gilles. Donc juste après l'échangeur de l'éperon, c'est encore sur la partie voie lente, la partie où il y a 3 voies, c'est en direction de Saint-Pierre. Attention à ce gros camion arrêté. Donc là... pour le moment, attendant qu'il soit dépanné ou qu'il puisse repartir. Circulation ralentie à l'entrée de la tranchée couverte de Saint-Paul, donc avant le viaduc. C'était pas trop encombré de façon très dense, mais ça l'était du côté de Savannah, au moment où je passais dans ce secteur. Attention, vous noterez également, avec la suite de ces travaux d'enrobés qui se font entre le port et Cambé en ce moment, qu'il y a une zone de rainurage avec un grattage bien prononcé, donc avec les routes de roues. Ça fait guidonner la machine. Attention, restez prudent. Voilà, sinon, l'entrée ouest, ça roule correctement. Dans l'est, la circulation suit correctement, mais avec des routes mouillées. Attention, c'est mouillé à Saint-Benoît, c'est mouillé à la plaine des Palmistes, c'est mouillé également à Saint-Philippe. Donc attention sur cette partie de la route nationale 2. Grand matin avec Isabelle Waraud et Mickaël Laurette. Et le matin, on est avec vous jusqu'à 8h et comme d'habitude, c'est un grand bonheur. Ah oui, c'est un grand bonheur, on est bien. J'espère que vous êtes bien aussi, vous sur la route, à la case. Faites attention. En train de prendre le petit déjeuner parce qu'à nouveau, le grand défi de grand matin s'impose.

Sega Maloya avec Sonia toute la semaine de 4h à 5h sur Réunion Première. Première. Il y a un téléphone devant moi, vous faites comme moi, voilà, vous prenez. Ouais. Bon, le mien il marche pas. Aïe aïe aïe. On espère que le vôtre il marche, enfin suffisamment voilà. Pour composer 02 62 99 2000. Il date un peu de la guerre le combiné téléphonique là que le. Bon, ça va. Enfin, hein. Ouais, vous, sinon vous prenez votre téléphone portable. Oui. Hein, même s'il date de la guerre, c'est pas grave, ça appelle. S'il fait bip dedans voilà. Le téléphone. Les bons. C'est bon, ça suffit. 02 62 80 19 2000. Ah là, et nous on vous offre tout de suite votre bon d'achat. Allez, 20 euros. C'est parti. À dépenser dans les magasins Espace Fraîcheur. Allô ? Qui crie comme ça là ? Allô ? Oui, bonjour Isabelle, bonjour Mickaël. Bonjour Alain. Ah bah, c'était qui criait à l'instant ? Je sais pas. Ah, je sais pas. Ah bah, le volcan peut-être qui se réveille. Je sais pas, on a eu des voix. Vous avez entendu la voix Alain à l'instant ou pas ? Non, moi j'ai rien entendu. Ah bah, moi ça m'inquiète là. Mickaël ouais. Café, ouais. Ah non. Comment ? Non. Ouais, ben bah, je dois avoir un peu le syndrome Jeanne d'Arc alors. C'est possible. Ça va Alain ? Ça va très bien. Vous avez fait quoi votre matinée là, votre début de matinée jusqu'à maintenant ? Je travaille sur un chantier électricien. Ah déjà ? Ok. Voilà, déjà au boulot ? Voilà. Okay. Il a sorti sa voix de lover là, pour impressionner Isa. Hein. J'adore. Ouais. Ouais. J'adore. Ah, elle est toute rouge Isa. J'aime ah bon beaucoup ah oui, beaucoup je peux vous Alain. Le dire. Cette belle voix. Ouais. Je pense qu'elle va vous offrir 40 euros pour le coup. Hein. Voilà, elle, elle, ouais. Elle va sortir. Non mais c'est pas moi, c'est Espace Fraîcheur qui donne. Oui, bah, c'est vrai. Mais ouais. Tu peux lui donner hein, ouais. Si tu veux. Mmh. Ah ben bah là Isa on peut plus. Elle sait même plus quoi dire. Toute chose. Elle sait même plus quoi dire Alain. Vous l'impressionnez. Oui. Alain, okay. C'est 20 euros pour vous dans la poche. Merci. Vous les dépensez, merci. Vous les cuisinez si vous voulez vos voilà, fruits et légumes pour Isa. Des légumes tout pour vous, d'accord. Très bien. Merci Alain. Isa. Ou pour bonne Isa. Continuation, bonne journée. Merci, merci Alain. Alain. Bonne journée. Salut. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. Oui. Peut-être que cette ambiance était sur le marché de Saint-Gilles, en fait, ouais. Que l'avait ah, oui. Prisca. Comment il est l'ambiance ? Ah bah écoutez, l'ambiance est bon ici. Ah, le ça même se ça. Lève. Mmh. Nous allons vous proposer de la douceur avec Dany. Bonjour Dany. Bonjour. Dany, vous êtes apiculteur ? Oui, je suis apiculteur dans les Hauts-de-Saint-Paul. Depuis quand ? Depuis toujours. D'accord. On tombe dedans. Il y a Maya là-bas ici, c'est quoi ? Ah. Maya. Non, c'est vrai, il a emmené un doudou. C'est votre doudou, ça, ou quoi ? C'est mon doudou, ouais. C'est mon porte-bonheur. Oh. Une abeille en peluche. Voilà, c'est ça mignon. Même. Oh, c'est sympa. Bon, il y a quoi dans les caisses, là, aujourd'hui, Dany ? Il y a du miel de laitchi, miel de bérole, miel de forêt et miel toute fleur. Aussi, il y a miel de laitchi en rayon. Oui. Et là, vous avez des gaufres de miel. Voilà. Ben, on a le droit de vendre ça sur les marchés ? Oui, on a le droit, oui. C'est par période, c'est début d'année, c'est interdit, mais là, il n'y a pas de souci. Et c'est le meilleur, ça, Dany. Hein voilà, oui, voilà. Mais moi, ça dégouline, ça coule, c'est bon. Vous vendez ça en barquette ? Voilà, c'est en barquette. Ça coûte combien ? 5 euros. 5 euros, donc oui. Le miel gaufré, c'est ça ? Voilà. Et sinon, il y a des pots, mais il y a de tous les prix, là, voilà, ce matin. Des miels de forêt, miel de laitchi, miel de bérose. Des pots de 500, des bouteilles de 750, mmh. Des pots de 250 grammes. Dany, comment ça se fait que là, le miel laitchi, il y en a deux couleurs, là ? Ben, il y a le miel laitchi crémeux, et ouais. Il est brassé, il est plus blanc, c'est un miel crémeux, il va pas bouger, il va rester toujours comme ça. Ouais. Et par contre, le miel laitchi cristallisé, il est moins blanc. Ah là là, ça donne envie. Voilà. C'est excellent le miel laitchi. Hein. On va ah goûter oui. Ça avec Dany. Vous connaissez un peu les amis ? Bien sûr, ouais. Bien sûr. Mais nous on avec goûte un pas. Un petit peu de beurre. Eh ben non. Isabelle, il doit bien aimer ça. Elle. Bah oui. Bah moi aussi j'aime bien mon cher ami. Ah, hey. Hein. Bah oui. Ah pas la couleur. Hey. Pourquoi j'aimerais pas le miel moi ? Bon sans déconner. Ah ben je sais pas. Bah si. Bah j'aime bien le miel aussi. Ok bah c'est bien. Et vous savez enfin, on va s'en vous fout, proposer limite, hein. Les amis. On va vous proposer une dégustation ouais. Virtuelle tout à l'heure en direct sur la page Facebook. C'est déjà en ça. En attendant allez-y Dany. Hein. Dany il est en train d'ouvrir le pot. Il va me faire goûter le ouais, miel ouais. Laitchi en direct. Ouais, là, bah. Bon je vous passe le micro. Hein. Vous parlez avec Mickaël et Isabelle en attendant. Oui, ben je les écoute. S'ils ont des questions à me poser, il n'y a pas de souci. Bon, Dany, il y a combien de sortes de miel là sur le marché ? Vous avez combien de miel ? Là, j'ai 4 sortes de miel. Là. 4 sortes de miel. Lequel il marche ah, voilà, le mieux, okay. Dany ? Sa ben, demonie préférée, c'est lesquels ? Ben, pour les touristes, c'est le miel de laitchi. Ah, c'est ça. Les miennes aussi, c'est mon préféré, miam bien. Ah, d'accord. Ah, oui. C'est un délice. C'est bah, un oui. Délice, les bah, amis. Hein. Ça pousse ça. Merci. Bah, c'est bien. Allez. Merci, Prisca, hein, de bon, me dire. Vous savez quoi ? J'ai une bonne nouvelle pour vous. Je vous attends ici sur le marché forain, puisqu'on va rester avec toute l'équipe de Réunion Première jusqu'à 10h. Bah, on a bien et raison. À 8h30, on va parler de recettes végétarienne, parce qu'il y a beaucoup de végétariens à La Réunion, dans la colle Jacques avec Jackie. Donc si vous voulez partager avec nous des recettes végétariennes, végétaliennes, rendez-vous ici sur le marché forain de Saint-Gilles. Eh ben, on fera ça. Salut, Dani. Ça roule, salut, ma poule. Okay, bah, à plus tard. Bah, à plus. Bye. À plus, Dani. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. Allez, on va parler économie. Eh oui, alors que s'ouvre le salon professionnel Top Reza à Paris, le secteur du tourisme outre-mer est souvent décrit comme trop franco-français. Problème de langue, de liaison aérienne, pas toujours facile d'attirer les vacanciers du monde entier. Certains professionnels ont pourtant fait des choix osés, parier sur les pays émergents et notamment les touristes venus d'Europe de l'Est. La chronique éco, Sébastien Letard. C'est une clientèle jusqu'ici pas vraiment ciblée par les professionnels du tourisme outre-mer. L'Europe de l'Est, le niveau de vie de ces pays a pourtant beaucoup augmenté depuis qu'ils ont intégré l'Europe. Et alors que les touristes américains ou anglais restent attachés à des destinations anglo-saxonnes, le groupe Star Voyage Antilles a fait ce pari. Hélène McKen est responsable du marché Europe pour cette entreprise qui propose des croisières au départ de la Martinique. La Pologne, la République tchèque, la Slovaquie, la Hongrie, c'est ouvert aux Antilles il y a donc quelques années et continue à augmenter. Bien sûr, il y a 5 ans, existait déjà Internet, heureusement, donc c'était facile de nous trouver par Internet. Mais après, il faut solidifier ce marché. Nous avons décidé d'aller les voir sur place, soit sur des salons, soit directement l'agence dans leur ville, comme Cracovie, comme Varsovie, comme Budapest, pour leur expliquer ce que nous proposons aux Antilles. Avec un pouvoir d'achat un peu moins élevé qu'en Europe de l'Ouest, mais un goût pour des voyages en groupe, les vacanciers d'Europe de l'Est représentent aujourd'hui 10% des clients du groupe martiniquais, même si cela nécessite quelques adaptations. Il faut s'adapter aux langues, ça c'est pas toujours facile, et s'adapter aussi aux mentalités des gens. Les clients, et parfois, vu qu'on parle pas leur langue, plus irrités, et nous peut-être aussi, il faut les rassurer. Aussi, déjà à l'avance, un peu cibler, parce que parfois ils ont des projets un peu farfelus, je dirais, avec des flottilles qui sont trop grands ou la durée est trop courte pour faire quelque chose qui a un sens pour que aussi les clients soient contents à la fin. Le nombre d'Européens de l'Est qui partent en vacances chaque année à l'étranger a quasi doublé en 12 ans. Allez, pour info trafic, dans une poignée de minutes, et puis Cécile Thomas, qui est là pour le journal. Ça m'aime même. Ça, c'est Jean-Hollande Miquel, La Réunion. Alors, quand les bons, l'a dit. Ah, quand les bons, comme le miel litchi. Ouais, c'est vrai. Alors. Allez, à tout de suite. Bienvenue. Quand tu aimes ces gars, viens constater là, où nous mettre la faille, nous va chanter quand les bons, dans un grand mouvement ambiance. Allez, viens, fais pète la cadence. On va mettre la garde dans les dos quand les bons si toi tu aimes ces gars, viens constater là. Pour nous mettre la faille, nous va chanter quand les bons dans un grand mouvement ambiance. Allez viens fais pète la cadence. On va mettre la garde dans les dos quand les bons conspiration la si a pas de couler. La fièvre 40 degrés n'a fait monter. La secoue ta la cabine va lever. Assois la fête au village des hommes dans la cage. Tes souliers mettent à terre. Bien la grand le savé. Au dégué de ma tante Rita lui mène la pose pour craser. Tes souliers mettent à terre. Bien la grand le savé. Donne les noms pour bien défouler. Maintenant qu'on l'a passé. Tes souliers mettent à terre. Bien la grand le savé. Ma tante Rita y met la pose pour craser. Les souliers mettent à terre. Bien d'accord le savez. Bon, j'espère que ça vous remettra de bonne humeur si vous êtes en colère en ce moment dans les bouchons. Faut pas. Ça circule mal, hein. Eh très oui, très côté mal. Est, c'est compliqué. On rejoint Yves tout de suite. Prenez la route en toute sécurité avec Total et InfoRoute. Énergisons la vie. Chaque jour, Total. Depuis Ravine Creuse, Yves, pour les difficultés. Ouais, c'est-à-dire depuis la balance, hein, donc l'échangeur de la balance de Pentes-Placy. Alors, ce qui est assez étonnant, vraiment être étonné qu'il y ait des ralentissements. La vitesse est à peu près de 40 km/h jusqu'à la ravine des Chèvres, hein, mais il n'y a rien de particulier. Vous êtes nombreux. Ce qui est assez étonnant, c'est que c'est le jour, puisque aujourd'hui mercredi, on n'a pas forcément l'habitude d'avoir autant de bouchons et autant de circulation compliquée à partir de Saint-André surtout. Bah, donc c'est ça qui est assez étonnant pour le jour de la semaine. Voilà, attention, donc patience bien entendu. Prudence tout le long de ce parcours. Sinon, l'entrée, une fois passé Ravine des Chèvres, après, ça roule mieux, hein, jusqu'à l'entrée du front de mer de Saint-Denis. Le ralentissement se situe au tunnel du Cap Bernard, actuellement, à l'entrée ouest du chef-lieu, après la route du littoral. Et puis, c'est à l'entrée de la tranchée couverte en haut du viaduc, donc il n'y a pas de changement. Ça roule toujours route des plages en ce moment, donc pour rejoindre le Cap Laousset, donc jusqu'au Cap Marianne. Attention, des travaux d'élagage encore normalement au programme du côté du cimetière marin aujourd'hui. Sera mise en place tout à l'heure à partir de 8h30 avec de l'alternat. Voilà, sinon, ça roule toujours à peu près normalement. Attention, il y a toujours ce poids lourd. Hein, donc, Ravine Saint-Gilles, sens nord-sud. Inforoute vous a été proposé par Total. Énergisons la vie. Chaque jour, Total. 6h31 sur la première. C'est l'heure du journal, un journal présenté par Cécile Thomas. Bonjour Cécile. Bonjour à tous. Les usines sucrières de Bois-Rouge et du Gaule, toujours bloquées par les planteurs de la CGPER, ils demandent le paiement de plusieurs aides. Des négociations hier ont fait avancer le dossier sans le dénouer totalement. Nous ferons le point dans un instant en direct avec Jean-Bernard Gontier, le président de la Chambre d'Agriculture. 4000 cachets de Rivotril saisis sur une femme qui rentrait de Madagascar samedi. Ce médicament anti-épileptique est détourné par les toxicomanes. Il est prescrit sur ordonnances sécurisées pour éviter les mauvais usages. C'est la journée mondiale d'Alzheimer aujourd'hui, l'occasion d'entendre la voix des aidants, ses proches qui accompagnent le malade, une tâche épuisante et difficile. Et puis ils ont une deuxième chance, des jeunes sans diplôme sortis de l'école trop tôt tenteront de remonter la pente dans des entreprises. Hier, ils ont pu entendre le témoignage de jeunes comme eux qui s'en sont sortis. Les négociations ont commencé mais doivent se poursuivre. Hier, les planteurs de la CGPER ont été reçus à la direction de l'agriculture et de la forêt à Saint-Pierre. Depuis deux jours, ils bloquent les usines sucrières de Bois-Rouge et du Gaule. Ils demandent le paiement de plusieurs aides, des paiements très en retard et qui les empêchent de payer leurs charges et d'investir dans la prochaine campagne sucrière, disent-ils. Deux rencontres ont permis quelques avancées hier sans résoudre le conflit. On fait le point tout de suite avec Jean-Bernard Gontier, le président de la Chambre d'Agriculture. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Quel geste fort attendez-vous de l'État aujourd'hui? Geste qui permettrait de libérer l'accès aux usines sucrières qui restent bloquées ce matin? Nous, on a déjà eu des avancées sur trois points. Là, actuellement, il ne reste que les MAE à discuter. Les MAE, pour nos auditeurs, oui. c'est les mesures agro-environnementales. Et ça, c'est un point qui pose encore problème aujourd'hui? Oui, puisque nous souhaitons... que ce soit aussi payé rapidement et qu'on rentre aussi dans la normale puisque on a encore pour le solde un retard d'un an et on aimerait justement rattraper ce retard et qu'ensuite, que 2016 aussi, on retourne à la normale. Alors comment vous analysez ces retards de paiement? C'est la fin de la canne à La Réunion? On décourage les planteurs? C'est pas que la canne qui est concernée. Je ne sais pas si vous vous souvenez, sur vos zones, on avait fait aussi une conférence de presse sur l'élevage, où les difficultés, justement, par rapport au retard des aides, c'est toutes les filières qui sont aujourd'hui concernées par ce retard. Que ce soit l'élevage, la filière canne et la filière fruits et légumes. Et donc les négociations d'aujourd'hui, elles pourraient porter sur toutes les filières? Depuis le début du conflit, elle porte sur toutes les filières. Mais vous ne bloquez que les usines sucrières? Oui, c'est les plus visibles et dans mon économie. On peut pas, dans l'élevage, on peut pas aujourd'hui bloquer les éleveurs. Les animaux, il faut continuer à manger. Mais il faut qu'aujourd'hui, il n'y a que les usines qui sont bloquées. Mais le conflit concerne tout le monde agricole. Très bien. Est-ce qu'un rendez-vous est fixé aujourd'hui? Est-ce que vous avez bon espoir de trouver une issue au conflit? Nous espérons, oui. Il ne reste qu'un point. Et nous espérons qu'aujourd'hui, avec les discussions qu'on a eues hier soir, on pourrait être sur la bonne voie pour aujourd'hui. Il y a déjà une réunion de fixée? Il y a un horaire de prévu? Non, mais dès l'arrivée du DAF de Saint-Pierre, les discussions vont commencer. Merci beaucoup Jean-Bernard Gontier pour ces précisions en direct. La carrière des lataniers sera-t-elle exploitée? Le conseil municipal de la Possession le décidera le 14 décembre prochain. En attendant, la mairie a décidé de re-questionner les possessionnés à ce sujet. Brochure, réunion publique, sondage auprès de 300 personnes choisies par Ipsos. Vanessa Miranville et son équipe ouvrent le dialogue avec la population. Cette enquête aidera le conseil municipal à faire son choix. Vanessa Miranville, maire de la Possession. Ils ne décideront pas de ne pas faire de carrière tout simplement. Ils vont nous donner des arguments, ils vont devoir nous donner quel est le choix dans ce cas-là qu'ils privilégient. Voilà, on est vraiment sur un sujet très complexe. Enfin, les questions qui vont être posées et les réponses seront très complètes, très complexes également, pour que ce ne soit pas juste du blanc-noir, du carrière, pas carrière, mais comment on fait pour aménager cet espace, comment on fait pour permettre aux gens qui vont habiter cœur de ville de pouvoir sortir de cœur de ville et rejoindre la route du littoral. C'est à partir de tout cela que le conseil municipal décidera. Si on a clairement une opposition au projet d'ouverture de carrière, les élus n'iront pas contre. Si on a 80% de gens qui nous disent non, on ne veut pas de cette carrière, alors on ira sur l'augmentation d'impôts. Une augmentation d'impôts pour financer d'importants travaux routiers, travaux qui seraient payés par la région si la carrière des lataniers fournit des roches au chantier de la nouvelle route du littoral. Vanessa Miranville répondait à Hubert Debeu. Retour ce matin sur cette importante saisie de Rivotril. Une femme a été arrêtée samedi dernier à l'aéroport avec dissimulé sur elle pas moins de 4000 cachets de ce médicament. Elle a été interceptée par les douanes alors qu'elle rentrait d'un séjour à Madagascar. Le Rivotril est normalement prescrit aux épileptiques et utilisé de façon illicite par les toxicomanes pour ses effets secondaires désinhibants. À La Réunion, on estime que 400 personnes environ consomment régulièrement ces cachets pour être sous effet. Des consommateurs qui sont assez souvent impliqués dans des affaires judiciaire. Il y a 4 ans, la législation concernant la prescription du Rivotril a été renforcée et c'est sans doute pour cela que certains tentent de le faire entrer dans l'île en utilisant ce qu'on appelle une mule. Delphine Poudroux. Depuis 2012, seuls les pédiatres et les neurologues sont autorisés à prescrire le Rivotril. Le renouvellement de la prescription de ce médicament peut se faire par le médecin traitant, mais uniquement via une ordonnance dite sécurisée. Ce type d'ordonnance comprend entre autres un numéro d'identification et plusieurs renseignements sur le prescripteur et le patient. Chez le pharmacien, cette ordonnance doit nécessairement être accompagnée de la prescription initiale datant de moins d'un an. Avec la mise en place de ces restrictions, la circulation de ce médicament est aujourd'hui mieux maîtrisée. Mais le vide a incité l'importation illégale de ces produits via des pays étrangers. Aujourd'hui, au vu des risques sanitaires et sociaux créés par les effets secondaires désinhibants de ce médicament, la solution pourrait être la suppression du Rivotril du marché. Mais pour l'heure, cette suppression est difficilement envisageable. Car d'après les médecins, ce médicament est devenu indispensable pour traiter les épilepsies les plus complexes. Delphine Poudroux au chapitre santé. Toujours, c'est aujourd'hui la journée mondiale de la maladie d'Alzheimer et cette année, la communication est axée sur les aidants, les proches qui consacrent beaucoup de leur temps aux malades, un mari, une sœur qui s'épuise souvent en menant de front une activité professionnelle et un accompagnement du malade. Pour l'instant, on ne peut pas guérir la maladie d'Alzheimer. Nadine Bachelot. C'est une maladie insidieuse et sournoise. L'oubli, la perte d'objets sont les signes de cette maladie dégénérative qui provoque des lésions au cerveau. À ce jour, il n'existe aucun traitement préventif pour éviter la maladie d'Alzheimer, ni aucun traitement curatif pour la guérir. À La Réunion, environ 10 000 personnes sont touchées par la maladie et plus de 8 Alzheimer sur 10 sont à domicile, en milieu familial. C'est pourquoi il est important aujourd'hui de braquer les projecteurs sur les aidants, surtout quand ils sont encore en activité. Quelles sont leurs difficultés pour concilier vie professionnelle et rôle d'aidant? Comment les accompagner? Autant de questions qui seront abordées. Véritable fléau pour notre société, la pathologie est en constante augmentation avec le vieillissement de la population. Si aucun médicament ne peut à ce jour guérir les malades, en revanche, il est possible de retarder l'évolution de la maladie. Il est donc primordial de rechercher le sens de la pathologie et pas simplement s'arrêter à ses symptômes. Pour les pouvoirs publics, c'est véritablement un enjeu majeur de santé publique. Et à 12h15 sur Réunion Première, Philippe Dornier vous donne rendez-vous pour C'est dans l'actu, Alzheimer, la double vie des aidants. Vos questions, vos réactions sont attendues au 02 62 99 2000. L'école de la deuxième chance offre une possibilité de rebond aux jeunes déscolarisés ou sans qualification qui souhaitent trouver un travail. Des entreprises locales jouent le jeu. Elles les accueillent le temps d'un stage, d'un contrat. Le dispositif créé en 1995 par Edith Cresson existe dans l'île depuis 6 ans. Il accueille plus de 4690 stagiaires. 64% d'entre eux ont trouvé à l'issue de leur parcours un emploi ou une formation. Hier matin, dans les salons de la préfecture, stagiaires et employeurs se sont retrouvés pour officialiser le partenariat qui les liera le temps de la deuxième chance. À cette occasion, d'anciens stagiaires ont pu témoigner de leur parcours auprès de ceux qui se lancent aujourd'hui dans l'aventure. Ingrid a rejoint l'école de la seconde chance en mai dernier. Elle sait maintenant ce qu'elle veut faire pour s'en sortir. À la fin de la scolarité, c'était en 2013. 3 ans après, je me suis dit arrête d'assises. Et là, du coup, je me suis dit je vais m'inscrire à l'école de deuxième chance. On a passé les tests, tout ça, mais c'était positif. Donc, du coup, j'ai commencé au 1 mai. Là, pour l'instant, mon projet professionnel, c'est d'être agent d'entretien ou faire la caisse. Caissière, quoi. Faut être autonome parce que pas tout le temps, maman va pas aller là. C'est passé par un entretien. Il y a quoi? Une remise à niveau? Il y a quoi? Oui, il y a des remises à niveau par rapport aux matières histoire, français et maths. On fait ça quand on est à l'école et les stages tous les 2 semaines. Une espèce d'alternance, c'est ça? Oui, voilà. C'est l'entreprise et l'école. Découvrir des métiers. Et puis, par la suite, si l'entreprise propose un contrat, on le prend, quoi. Ingrid et son témoignage recueilli par Daniel D'Ambreville. Ouais, c'est un beau témoignage hein, d'une jeune qui a envie et ça peut donner des idées aux autres. Merci Cécile. Il est 6h41. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. Michael, bleu, gris, bleu, gris dans l'Est. Gris dans l'Est, entre Saint-Denis et Saint-Philippe en passant par Sainte-Rose. Plus bleu dans l'Ouest, entre La Possession et Saint-Pierre ce matin. D'ailleurs, il y a encore quelques petites averses qui tombent sur la plaine des Palmis. Ça tombe en tout cas à 6h, plaine des Palmis, Baril, Haut-de-Saint-Joseph. Là-bas, c'est bien gris sur cette partie du département et on aura du mal à se débarrasser de ces nuages. De l'autre côté, eh bien, le soleil va briller, même si il va être perturbé cet après-midi sur la hauteur de l'ouest. Grand Bénard et Dodane seront concernés, pourquoi pas, par des petites averses qui pourraient aussi déborder sur les hauteurs de Saint-Leu. Et globalement, ça sera un petit peu plus nuageux cet après-midi dans l'ouest, sauf entre l'étang Salé et Saint-Pierre, avec du vent 50 km/h sur le nord et le sud, des températures qui remontent un peu au fil des jours, avec 27 degrés à Saint-Gilles. C'est attendu cet après-midi. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. Yves Gruyer, vous êtes à Piton-Saint-Leu. Oui, c'est l'heure des premiers bus au niveau du collège Marcel Goulette, après le centre-ville. Je me trouve au niveau de la mairie annexe, circulation plutôt correcte encore ici, pour rejoindre Saint-Leu depuis la route de Piton, moins de difficultés que lundi. Lundi, ça a été la grosse galère depuis l'échangeur de Stella, donc pour rejoindre la fête de la Salette. Mais là, c'est terminé. Alors, c'est terminé pas tout à fait, puisque la rue Haute devrait être libérée aujourd'hui, suite à l'enlèvement donc de toute la fête foraine et donc des gros manèges. Donc ça se passera dans la journée, donc on va libérer de nouveau la rue Haute. Attention, je rappelle qu'il y a quand même la fête de troisième âge, donc il se déroulera dimanche. Donc on attend encore également de très nombreux de bus, des dizaines de bus qui viendront également sur la Salette. Donc il y aura sans doute encore une fermeture très certainement du secteur et de la rue Haute. On en reparlera certainement. La circulation toujours bien ralentie, Saint-André, Ravine des Chèvres actuellement. Ça se rapproche même des changeurs de la convenance et des ouvrages de Sainte-Marie. La circulation est ensuite ralentie au partir des Potences, même un petit peu avant les Potences, mais ça roule encore sur le pont Minsan, sur l'entrée ouest de Saint-Denis, toujours à l'entrée de la chaussée couverte, donc fin de la route des Tamaras, c'est en haut du viaduc, il y a toujours ce poids lourd, il n'est pas prêt de repartir, gros souci mécanique, donc il a le pont cassé, donc il y a une grosse intervention à faire, donc attention, ça se passe sur la voie lente au niveau de la ravine Saint-Gilles, sens nord-sud, sur cette route des Tamaras, restez prudents à ce niveau. Grand matin avec Isabelle Waro et Mickaël Laurette. Et grand matin vous réveille jusqu'à 8h et vous offre quoi encore ce matin? Une croisière, on va vous offrir cette croisière. Oui. Cette croisière pour deux personnes avec croisière et découverte à bord du Catapassion. Vous allez passer un moment magnifique et privilégié parce que vous ne serez pas nombreux en plus sur le bateau. Et au moins vous serez à deux avec la personne de votre choix, plus, un amoureux en plus, avec vos tout enfants. Ça pour vous. Cool, comme vous voulez, en tout cas on vous l'offre et on fait quoi? On va encore inonder cette page Facebook, liker la page fan, on est heureux d'être de plus en plus nombreux dans cette communauté de grand matin. Postant une photo de ce que vous voulez, de votre café, de votre banane, que vous mangez au petit-déj. Rénald, il mange rien que tartine. C'est un petit déjeuner qui lui permet de participer au tirage au sort pour vendredi. Faites comme lui, n'hésitez pas, soyez pas timide. Non. Vous n'êtes pas encore fan de la page Facebook Grand Matin, vous y allez. Grand Matin, GRAN, apostrophe matin. Attention, maman, Isa a dit que c'est... C'est pas bien. C'est pas bien. Grand Matin, GRAN, apostrophe matin. Vous nous retrouvez sur Facebook et maintenant, c'est le moment du lecci. Exactement. Et sur la route, il se passe toujours une affaire. Michael connaît comment il est. regarder, oui, commenter. Ah ben, ça fait aussi partie du folklore, quoi. Voilà, c'est l'etchi. Il n'y a pas un jour où ça n'a pas un événement sur les routes de la Réunion. Un accrochage, un accident plus ou moins grave, un loto arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence. L'éclair, les routes réunionnaises, c'est un telenovela à rebondissements, on peut pas ennuyer à eau. Et qui mieux qu'Yves Grouillet, notre bison futé à moto local, pour informazote de conseils espace sur les routes. Hashtag publicité gratuite. Hein, Kossa? Quand on a un accident, ça t'y écoute pas Yves Grouillet, ça t'y écoute Kossa? Ah non, maman, il n'a pas le droit de dire ça ici, hein, chut! C'est comme Voldemort, ça! C'est la radio dont on ne doit pas prononcer le nom à Réunion Première. Revenons plutôt à nos accidents de la route qui sont quand même plus passionnants que les sondages médiamétriques. Parce que m'imagine que ça l'a remarqué, mais les accidents, c'est vraiment une passion à la Réunion. Combien de fois, par exemple, vous avez été pris d'un embouteillage sur la 4 voies à cause d'un accident qui a eu lieu dans l'autre sens? De Mouni ralenti pour garder l'état de l'auto, si pompier la fin arrivé, si n'a le sang. Hashtag vautour. Et quand l'accident est dans l'autre sens, les pires. Crois pas que ça va arrêter pour aider le Moon déplace son loto et arrête l'embouteillage. Non. Il ralentit bien, il garde bien le ben dégâts que Nana sur l'auto, puis il réaccélère. Hashtag solidarité. Mais heureusement que la plupart des accidents n'est pas trop grave. Un petit accrochage par-ci, par-là. Enfin, pas trop grave, ils dépendent pour qui, hein. Parce que pour 2-3 Moon, un les gratignures sur Zot Loto, c'est la fin du monde. Zot la fine fait un accrochage avec un jeune fine à un loto neuf, Zot. Ben Mounois accroche à Zot s'il arrive à Zot, justement. Mon loto, mon joli loto, monsieur, regarde comment on l'a abîmé, Ali. N'a encore un crédit là-dessus, t'es. Comment mis ça a fait? Il est défiguré à cette heure. En plus, Miguel pas rempli constat, moi, mais ça tombe faible. Le choc l'a fait mal mon cou, il faut m'y allonger. Monsieur, garde qu'on l'a fait sans moi. En plus, m'y t'es vienne, fais mon manucure. Il faut m'y appeler papa pour occuper de haut, monsieur. Là, Miguel pas comme ça, moi, là. Un quart d'heure après, le papa en question y arrive plus en couillon que si il avait vraiment sodomisé son fils. Il est là pour une seule chose, des graines ou de figure. Tout ça pour une égratignure de 6 cm sur l'auto son fils. Alors que de haut de côté, le pare-choc l'a tombé et l'avant de la voiture l'est complètement écrasé. M'y souhaite pas qu'il arrive à cette affaire pareille, mamaï. Donc, autant faire un peu de prévention. Cher automobiliste, ne bois pas d'alcool, ne consomme pas de produits stupéfiants, respecte le code de la route. Protège-toi, toi et ton crédit loto. Parce que si au but de monde comme ça, il est sûr que c'est autre figure, ça prend le coup. Bon, merci à Letchi, alias Harry Potter, ce matin qui combat Voldemort. 6h47 sur la première, on salue toute la famille Alice qui a envoyé son petit-déj sur la page Facebook Grand Matin. Eh oui, un petit déjeuner en famille, c'est bien. Toute la famille qui est à l'écoute de la radio en ce moment, préparez-vous bien, bon courage pour la journée. C'est Kinvey qui arrive avec Un Monde Meilleur, à tout de suite. Du 16 au 25 septembre prochain, Sillaos devient cirque d'inspiration et de création. Exposition, contes, stages artistiques, réalisation d'une BD géante, ateliers, comédies musicales et concerts seront au programme durant ces 10 jours. Suivez tout le programme de la 13e édition du Sillaos Art, organisée par Destination Sud Réunion, en collaboration avec l'Archipel des métiers d'art et la ville de Sillaos, sur Réunion Première, en direct du cirque de Sillaos, les samedis 17 et 24 septembre, ainsi que les mardis 20, mercredi 21 et vendredi 23 septembre. Réunion Première, le son de l'océan Indien. Est-ce que tout le monde est dans la place? Réunion Première vous invite pour Enfants Illois, un grand concert le vendredi 7 octobre au Petit Stade de l'Est. 3 heures de show en live à partir de 20h avec l'Indigo, Désiré François et Cassia. Ça va, Réunion? Gagnez vos places en jouant tout au long de la journée sur Réunion Première. Allez, avant les unes de la presse avec Cécile Thomas. Bienvenue dans Réunion. Bon réveil. Voici Kinvey, Un Monde Meilleur. Dans un monde meilleur, on pourrait tous effacer les erreurs du passé qui empêchent d'avancer. Dans un monde meilleur, on ne jugerait pas sur l'aspect. On vivrait tous en paix, ensemble dans le respect. Dans un monde meilleur, c'est l'amour qui nous guidera et l'on s'entraidera. Oui, cela se fera. Dans un monde ensemble on bâtira un monde pour toi et moi où chacun de nous vivra, oui, dans un monde meilleur. Dans un monde meilleur. Le monde meilleur serait sans drame, serait sans peur, serait sans larmes. Chacun ferait ce qu'il lui plaît, pourrait arrêter le temps quand on veut pour mieux profiter de l'instant. On pourrait voyager, exaucer ses vœux seulement en se téléportant. On s'emmerderait pas la table ennuyeux, on vivrait ce qui nous semble important. On profiterait tant qu'on est vivant. Dans un monde meilleur, on pourrait tout s'effacer. Les erreurs du passé qui empêchent d'avancer. Dans un monde meilleur, on ne jugerait pas sur l'aspect. On vivrait tous en paix, ensemble dans le respect. Dans un monde meilleur, c'est l'amour qui nous guidera. Et l'on s'entraînera, oui cela se fera. Dans un monde meilleur, ensemble on bâtira un monde pour toi et moi, où chacun de nous vivra. Oui dans un monde meilleur. Chacune de nos prières serait exaucée et l'on vivrait selon nos envies. Personne n'aurait à exister avec des regrets. Jon Snow serait en vie. Dis-toi que tout serait possible. Dis-toi que tout serait possible. Chaque mère serait une reine. Dis-toi que tout serait possible. Dis-toi que tout serait possible. Si l'on s'en donnait la peine. Dans un monde meilleur. Ouais. Allez, Cécile, ah, hop, on bouge. C'est difficile on bouge. De lever les bras le matin, allez, on lève les mal. On lève les bras et on tourne, on tourne. Eh, faire. Ouais, déjà, on est en vidéo hein, sur Facebook avec Cécile, on a mobile, inventé hein, ouais. Le moulinet. C'est bien. Le moulinet, oui. Voilà. Après, il faut rajouter allez les pieds, tout ça, page. Et une vraie corée, quoi. La de fin de l'année, on fait une tournée comme Kinvey. Ou peut-être voilà. Du twerk, hein, on fera du twerk avec Cécile. C'est trop bien présomptueux, dis donc. La danse des fesses. Faut pas trop d'assurance non plus. 6h51, c'est les unes de la presse en une du quotidien ce matin. Même. Oui, c'est pas facile. Encore une belle photo de l'éruption de la semaine dernière au Piton de la Fournaise. Oui, car la Réunion est représenté au Salon du Tourisme qui a ouvert ses portes hier à Paris. Et le volcan est un produit d'appel, titre Le Quotidien. À lire également, emploi aidé, Jean-Hugues Ratenon, embarrassé par l'affaire Réa Monja. Saisie record à Plaisance, à Maurice. Première visite d'un Français avec 1,28 kg de cocaïne. Didier Robert et Marilène Waroux en photo, directrice du parc Limogé. Didier Robert proteste contre la décision. Usine sucrière à l'arrêt, le blocage reconduit par les planteurs. Enfin, sport en handball en D1, les Réunionnais à la loupe et au pôle espoir de judo, une pointure pour nos jeunes. Philippe Taurine prend les rênes. La lettre d'un prisonnier en une journal de Lille. Et pas n'importe quel prisonnier, Casanova Agamemnon est en prison depuis 46 ans et 7 mois. Je suis condamné à une peine de mort lente, titre le GIR. Depuis sa cellule du port, le bénédictin a écrit au journal une lettre de révolte, une lettre manuscrite que l'on peut voir en une adressée au journaliste Jérôme Talpin. Autre titre, Cassud TAC s'offre 15 000 euros de frais de représentation et à la possession, la mère écolo empêtrée dans les carrières. Dans la presse nationale, la pollution au diesel en une du journal Le Monde. Diesel, la France championne d'Europe des voitures sales, une organisation européenne indépendante transport et environnement, a étudié les émissions polluantes des diesels dans des conditions réelles. Les grandes marques dépassent largement les normes européennes. Fiat et Renault polluent ainsi 15 fois plus que ne le permet la réglementation. Autre titre en Turquie, la répression s'emballe et suscite l'indignation d'une part de l'opinion publique. Le budget et les candidats à la primaire à droite en une du Figaro. Oui, dernier tour de passe-passe avant 2017, ça c'est concernant le budget, avec une prévision de 1,5% de croissance et de 2,7% de déficit public. Le gouvernement se montre largement plus optimiste, que les économistes et les grandes institutions, écrit le Figaro. Et puis les 8 visages des candidats à la primaire de la droite et du centre sont donc en une du Figaro. Les candidats sur la ligne de départ, terrorisme, immigration, fiscalité, le Figaro passe au crible. Les 8 thèmes majeurs qui animeront la campagne de la primaire. La haute autorité doit publier aujourd'hui la liste des candidats officiels autorisés à se présenter. Libération qui nous fait du Magritte sans une ce matin. Un rond, des graines ouais. Avec cette légende, ceci est un steak. Alors qu'une nouvelle vidéo et un rapport sur les conditions d'abattage relancent le débat sur la souffrance animale, enquête sur les substituts à la viande dans Libé aujourd'hui. Autre titre, l'imam de Brest met de l'eau dans dans sa radicalité, pardon, Alzheimer précoce, un mal méconnu, et puis cinéma, Brooklyn séduit, Dolan fatigue, écrit Libé. Du foot en une de l'équipe. Un derby au sommet, Nice-Monaco à suivre ce soir en Ligue 1. Alors que Paris retrouve l'appétit, écrit l'équipe, le PSG a battu Dijon 3-0, gestion pour un champion, oh, titre l'équipe. C'est presque du Libé. Et en une également, en bas, les nouvelles ambitions de Nicolas Karabatic. Merci Cécile. Retour de l'information à 7h avec Florent Marot. Grand matin, l'appel réveil. Oh là là, cette musique. Ah ouais, bah ça rappelle forcément plein de souvenirs. Oh là là là, cette musique. Cécile. La ligne d'arrivée franchie par Kylian Jornet, les émotions avec notre réunionnais à nous, notre local Freddy Thévenin. Tout ça, c'était les années dernières et les années précédentes dans le Grand Raid. Le Grand Raid qui revient cette année. J-29. Bah oui, OT. Avant le grand départ sur Réunion Première à suivre en télé, radio et internet. Partout, du 20 au 23 octobre. Et celui que vous entendrez, puisque c'est la voix de ce Grand Raid, forcément, il est consultant officiel pour Réunion Première, Jérôme Désiré. Salut Jérôme. Bonjour Jérôme. Bonjour à vous, bonjour Réunion Première. Ça va, J-29, prêt? Ça va super. Quand j'entends cette hymne là, ça, ça motive. Sons, hein, c'est les émotions qui sont là. Là, on commence à le cœur commence à battre dans le dos, comme on dit en créole. Les premières images là, comme ça, qui viennent, c'est quoi? Qu'est-ce qui vient? Oh, il y a plein de choses. Il y a plein de choses. C'est déjà cette belle histoire d'amour avec Réunion Première, une la radio des passionnés du Grand Raid. Oui. Ensuite, voilà, ce départ à Ravine Blanche, ces arrivées, c'est pleurs, les joies, les peines, ces rires, ces émotions, c'est magique. Il faut absolument vivre, être à un moment donné, donc soit dans les sentiers, soit au stade de la Redoute pour voir ce que ça représente le Grand Raid. Ouais. La Diagonale des Fous, mais il n'y a pas que la Diagonale des Fous, il y a le Trail de Bourbon également. Donc vraiment vivre ça, voir ce que ça représente dans le regard des gens, vraiment, quand on les voit accompagner leurs familles, leurs amis et tout, c'est quelque chose de grandiose. C'est vraiment l'accomplissement d'une vie, on peut le dire, hein, de pouvoir finir cette Diagonale des Fous. Et que d'émotions. Que d'émotions, Jérôme. C'est vrai qu'on se rappelle l'année dernière, on se rappelle les années précédentes. Bon, on en a vécu ensemble, là. C'est vrai, Jérôme Désiré, sur cette ligne d'arrivée de la Redoute. Mais alors, justement, à J-29, pour au mieux faire cette course, on se prépare comment? Qu'est-ce qu'il faut faire, là, à 29 jours de l'événement? Alors justement, là on peut pas dire pas tout est fait. C'est-à-dire qu'en termes d'entraînement, physique, il faut savoir qu'on prépare pas le Grand Raid en l'espace de 3 semaines. Bien sûr. C'est sur une année, voire même plusieurs années. Mmh. D'accord. Donc physiquement, on a tout donné. Donc les gens arrivent physiquement prêts maintenant. Justement, cette période, elle va être extrêmement cruciale, charnière, on va dire, parce que. Il ne faut pas arriver avec un surentraînement. Donc déjà commencer à lever le pied. Je pense notamment à nos cabris pays, à nos gazelles pays comme Freddy Thévenin ou Marcel Puy qui eux auront leur dernier gros entraînement, on va dire, ce week-end. Mais à partir de là, ensuite, ils vont commencer à lever le pied. Et ça, c'est extrêmement important de lever le pied, de ne pas arriver en surentraînement sur ce Grand Raid. La crainte, c'est la blessure. On s'en souvient, par exemple, Marcel Puy, l'année dernière, Marcel Puy se blesse 15 jours avant le Grand Raid. Mais Marcel Puy est en forme cette année. Elle a tout gagné, quasiment. Elle a tout gagné. Alors voilà, donc Marcel Puy, j'en parle encore avec elle il y a quelques jours, Marcel Puy me confiait qu'elle avait négligé, justement, lorsqu'elle était revenue pour son... le Grand Raid qu'elle avait déjà abandonné à Domaine Vidotte en 2014. Oui. Elle avait négligé cette partie renforcement musculaire. Là, elle a vraiment beaucoup travaillé. Elle a travaillé avec son dallon de team également, Freddy Thévenin. Hein. En ce moment, en septembre, là, il passe entre 40 et 50 heures de... Ah oui, c'est énorme. Imaginez-vous d'entraînement par semaine, hein, dans les sentiers. Et quels sont les coureurs, Jérôme, qui va falloir surveiller, là, pour le prochain Grand Raid? Alors justement, il y en a quelques-uns. Déjà au niveau local, il faudra suivre donc forcément Freddy Thévenin. Freddy Thévenin qui a axé sa préparation de mi-saison. Il sera là. Et parmi les internationaux, il y aura qui? Alors parmi les internationaux, on va compter déjà au niveau national, on va compter le retour de François Denne qui avait gagné en 2013. Il sera là, en 2014. Donc attention à François Denne. Antoine Guillon également. Lui sera là.

Autre addiction, l'alcool. Un motard de 29 ans vient de passer sa première nuit derrière les barreaux. Il a été condamné hier à Saint-Pierre à 8 mois de prison. Samedi à Saint-Louis, il a été interpellé au guidon de sa moto avec plus de 3 grammes d'alcool par litre de sang. Et ce n'était pas la première fois. Sa moto a été confisquée par la justice. Troisième jour de conflit autour des usines du Golet de Bois-Rouge. Les planteurs empêchent toute livraison de canne. Ils réclament le versement immédiat des aides. Hier, ils ont obtenu quelques avancées, mais souhaitent aller plus loin. La canne n'est pas la seule filière touchée par ces retards de versement. Les précisions de Jean-Bernard Gontier, le président de la Chambre d'agriculture, étaient en direct dans notre journal de 6h30. C'est toutes les filières qui sont aujourd'hui concernées par ce retard, que ce soit l'élevage, la filière canne et la filière fruits et légumes. Et donc les négociations d'aujourd'hui, elles pourraient porter sur toutes les filières ? Mais depuis le début du conflit, elles portent sur toutes les filières. Mais vous ne bloquez que les usines sucrières ? Bah oui, c'est les plus, je dirais, les plus visibles. Dans l'élevage, on ne peut pas aujourd'hui bloquer les éleveurs. Les animaux, il faut continuer à manger. Il faut qu'aujourd'hui, il n'y a que les usines qui sont bloquées. Mais le conflit concerne tout le monde agricole. Jean-Bernard Gontier, président de la Chambre d'agriculture, interrogé ce matin par Cécile Thomas. 7h05 sur la première, la suite du journal Florent Marot. Impôts sur le revenu, taxes foncières, les avis arrivent dans les boîtes aux lettres en ce moment. Une mauvaise nouvelle pour le porte-monnaie, mais le gouvernement a d'ores et déjà annoncé une baisse de l'impôt sur le revenu pour 2017. Pour Solidaire, Finances publiques, cette promesse ne suffira pas à faire oublier le ras-le-bol fiscal. L'impôt est devenu impopulaire. Selon Solidaire, il faut revoir le système en profondeur, un système miné par les fraudes fiscales. Les précisions de Magali Billard, secrétaire adjointe de Solidaire. Il faut absolument accentuer la lutte sur le contrôle fiscal. C'est important de bien délimiter la différence entre l'évasion et la fraude fiscale et de sanctionner la fraude fiscale à hauteur de ce qu'elle doit être sanctionnée, de manière à bien montrer que chacun doit contribuer à l'impôt, y compris les gens qui ont les moyens de frauder. Parce qu'il faut avoir les moyens de frauder. Et actuellement, la fraude est devenue complexe. C'est rarement la personne de la classe moyenne ou qui a un petit salaire qui peut frauder. C'est toujours la classe intermédiaire qui est la plus impactée dans ces augmentations. Tout à fait, parce que la classe moyenne, ce sont des salaires fixes en général. Donc il est facile de les imposer. Après, impacter les classes au-dessus, c'est plus compliqué parce que politiquement, c'est toujours difficile, parce qu'ils ont une capacité de pression qui est plus importante, et puis parce qu'on touche déjà à des mécanismes fiscaux beaucoup plus complexes. Magali Billard, secrétaire adjointe de Solidaire, au micro Réunion Première de Nadine Bachelot. Le pouvoir d'achat met des retraités, cette fois au centre des discussions hier à la préfecture. La CFDT et l'UNSA sont allés sur place pour déposer une pétition. Ils voulaient alerter les autorités à l'approche du 1er octobre, date de la revalorisation des pensions de retraite. Pour les deux syndicats, ces pensions n'augmentent pas, contrairement aux salaires. Ils ont donc fait une proposition. Johan Adamadorassi. Indexer les pensions de retraite sur les salaires et garantir un minimum équivalent au SMIC pour les retraités. Les revendications de la CFDT retraités et de l'UNSA retraités. Un combat mené pour tous les salariés, car force est de constater que si les salaires ont augmenté de 4,2% au plan national en 2015, la revalorisation des pensions de retraite n'a été que de 0,1%. Une situation qui ne risque pas de s'arranger dans les prochaines années, d'où le débrayage des deux organisations. Oui, les retraités peuvent participer à l'effort de solidarité nationale, mais ça n'est pas pour autant qu'ils doivent voir leur pouvoir d'achat se dégrader, d'autant que ces personnes sont actives, elles s'impliquent dans des actions de bénévolat et sont des consommateurs. Alors pour ces syndicats, il est important que cette population puisse aussi bénéficier des fruits de la croissance, surtout sur l'île où plus de 50% de la population vit sous le seuil de pauvreté. C'est pourquoi une pétition a été déposée hier en préfecture. Elle a été signée par des retraités dans la précarité et également par des salariés. Cette question maintenant, y aura-t-il une carrière au Latanier à la Possession ? Réponse du conseil municipal le 14 décembre. En attendant, la mairie a décidé de questionner la population. Mais Vanessa Miranville a été claire. Soit la ville accepte la carrière et la région paiera les travaux routiers nécessaires pour le cœur de ville. Soit le projet est abandonné. Ce sont les impôts qui devront compenser. Aujourd'hui, 21 septembre, c'est la journée mondiale de la maladie d'Alzheimer. À La Réunion, comme dans toute la France, des manifestations sont prévues jusqu'à dimanche. Dans l'île, 8000 personnes sont touchées. Malheureusement, il n'y a pas de guérison possible. Le rôle des aidants est donc fondamental. Il faut dédramatiser. La maladie peut toucher n'importe qui, même les anciens chefs d'État. Gabrielle Fontaine, présidente de France Alzheimer Réunion. Quand on voit quelqu'un, comme vous savez, on en a parlé dernièrement, M. Chirac, il a été hospitalisé. On ne dit pas carrément qu'il a la maladie d'Alzheimer. Comment voulez-vous que l'aidant lambda ou que la famille lambda, après, ait envie de parler de ça? Mais il faut qu'on arrête. C'est pas une tare que d'être atteint de la maladie d'Alzheimer. C'est une maladie, il faut qu'on la reconnaisse, qu'on se pose et puis qu'on se dise et qu'on ne soit plus dans le déni. Ça arrive, ça peut arriver à n'importe qui, qu'on soit pauvre, riche, qu'on soit bleu, rouge, noir, jaune, ça arrive à tout le monde. Gabrielle Fontaine, présidente de France Alzheimer Réunion, interrogée par Carl Sivat, c'est dans l'actu avec Philippe Dornier, reviendra à 12h15 sur la double vie des aidants. Et puis le salon Top Reza a démarré hier à Paris, l'IRT est sur place, on en reparle après ce journal avec l'invité de la matinale. Philippe Dornier reçoit aujourd'hui Sophie Durville, la présidente du club du tourisme. C'est la fin de ce journal local, place maintenant à l'actualité nationale et internationale avec nos confrères de France Info et on va en Syrie avec Anne-Charlotte Costabadi. La Russie et les États-Unis s'accusent mutuellement cette nuit après le bombardement d'un convoi humanitaire lundi près d'Alep en Syrie. Washington accuse Moscou d'être responsable de cette frappe qui a fait près de 20 morts avec la mention de deux bombardiers russes sur le site au moment de la frappe selon un responsable américain. La diplomatie russe déplore des allégations sans fondement et hâtives et je cite qu'ils sont faites par des protecteurs de terroristes et de bandits. L'ONU a préféré suspendre ces convois humanitaire dans le pays. Pour le moment, la Croix-Rouge poursuivra en revanche ses distributions. Depuis l'Assemblée générale de l'ONU à New York aux États-Unis, le président François Hollande appelle la Russie, sans la nommer, à forcer la paix avec le régime de Bachar al-Assad, son allié. Il y a aussi posé 4 exigences de la part de la France pour ce dossier syrien. Imposer le cessez-le-feu, assurer l'acheminement immédiat de l'aide humanitaire, permettre la reprise des négociations politiques et sanctionner le recours aux armes chimiques. Le suspect des attentat à la bombe de New York et du New Jersey aux États-Unis ce week-end, inculpé notamment pour utilisation d'armes de destruction massive. Un peu plus tôt, le FBI avait reconnu avoir enquêté sur celui qui aurait blessé 29 personnes avec l'explosion d'une bombe à Manhattan. Cette enquête avait été faite il y a déjà 2 ans. Le père avait alerté les autorités après un changement de comportement, mais il n'avait trouvé aucune indication de lien avec le terrorisme. Les autorités ont retrouvé sur Rami lors de son interpellation un carnet où il faisait référence à Oussama Ben Laden et un idéologue d'Al-Qaïda. L'ancien président brésilien Lula parle de farce, de spectacle pyrotechnique et de volonté de détruire sa vie politique. L'ancien leader de gauche sera jugé pour corruption et blanchiment d'argent dans l'affaire Petrobras. Selon les procureurs en charge du dossier, Lula a reçu près $1 million de la part de l'entreprise de BTP OAS au moment des marchés truqués avec l'entreprise pétrolière d'État Petrobras. Des commémorations à Toulouse ce mercredi. Il y a 15 ans, jour pour jour, le complexe chimique AZF à Toulouse explosait, faisant 31 morts et près de 2500 blessés. Un troisième procès doit s'ouvrir le 24 janvier prochain pour déterminer les responsabilités dans cet accident. De nouvelles interpellations dans l'enquête sur la fausse alerte attentat ce week-end dans le centre de Paris. Un garçon de 17 ans en Vendée à La Roche-sur-Yon. Il serait l'un des 2 hackers qui s'était vanté sur les réseaux sociaux d'avoir appelé la police en signalant cette fausse prise d'otage à l'église Saint-Leu. Le premier, Dylan, âgé de 16 ans, interpellé avant-hier, avait avoué être l'un des auteurs du canular. Un adolescent de 14 ans également interpellé en Lozère. Les enquêteurs cherchent à connaître son degré d'implication. En football, c'était la 6e journée de Ligue 1. Début hier soir avec Paris qui prend provisoirement la tête du classement après avoir battu à domicile Dijon, le promu 3-0. Toulouse s'est imposé à Lille 2-1. 7h13 sur la première. Et Mickaël est sous les nuages en ce début de journée. Oui, et ça ne devrait pas s'arranger entre Sainte-Suzanne et Saint-Philippe. Merci. On va garder ces nuages, même si le soleil pourrait faire son apparition par moment, avec quelques averses. De l'autre côté, c'est mieux entre la région de Saint-Denis. Même Saint-Denis, ça va mieux en ce moment. Jusqu'à la Possession, jusqu'à Saint-Pierre, là, c'est vrai que c'est plus dégagé, aussi bien sur les hauteurs que sur les littorales. Sur les hauts, ça va se couvrir cet après-midi, notamment sur les hauteurs de l'ouest. Le Grand Bénard sera sous la grisaille, tout comme les hauteurs de Saint-Leu, avec pourquoi pas une ou deux gouttes, débordement de ces nuages sur le littoral, donc là aussi alternance de nuages et d'éclaircies sur les plages de l'ouest notamment en cours de journée, puis ça ira beaucoup mieux entre l'étang Salé et Saint-Pierre, avec là de franches éclaircies du vent qui va souffler aujourd'hui mais modérément, 50 km/h sur les façades nord et sud et des températures fraîches encore ce matin mais moins qu'hier, 5 au volcan, 10 à la plaine des Cafres cet après-midi, on en aura 16 à la plaine et 27 sur le littoral Saint-Gillois. Et Bruyé, vous êtes à l'étang Salé-Léo. Avenue Raymond Barre. Oui, absolument. Donc, avec ce feu tricolore, bien joué. Le seul feu. D'ailleurs, sur route départementale, c'est ici, ne cherchez pas, il a été installé. Et il fonctionne, donc en vert, orange, rouge. La circulation se fait à peu près correctement pour traverser l'agglomération, descendant des avirons et rejoindre Saint-Louis, notamment, puisque donc au bout de cette RD11, on arrive donc à Pont-Mathurin. Et ensuite, le Gol, la circulation un peu dense, bien sûr, entre Saint-Louis et Saint-Pierre, la descente du tampon également, avec moins de difficultés qu'hier, notamment, pour passer Mont-Caprice. Actuellement, une circulation plutôt correcte sur l'ouest, avec toujours l'échangeur en dessous de l'échangeur Plateau-Caillou. Ça roulait encore, il y a quelques instants, à Grandfond et à Boucan également, donc un peu plus de difficultés entre le Cap-Champagne, Cap-Laoussé. Et puis, il y a une circulation donc qui se fait avec des bouchons après la Grande Chaloupe, au niveau de Ravinajac, un kilomètre après la Grande Chaloupe, pont Vinsane, tranchée, chargée, entrée est, ça y est, la ligne droite de la Jamaïque, encombrée à cette heure-ci. Voilà, restez prudents et bonne route. Merci. Va suivre l'invité de Grand Matin, Sophie Durville, présidente du Club du Tourisme. À pied, à vélo, sur l'eau, participez au week-end nature du 1er au 30 octobre. Découvrez des trésors de biodiversité dans nos espaces naturels sensibles, plongez dans les forêts primaires, explorez des sites exceptionnels et des paysages à vous couper le souffle. Visites guidées et ateliers gratuits tous les week-ends du mois d'octobre et pendant les vacances scolaires. Retrouvez le programme sur www.cg974.fr et réservez dès maintenant au 0262 97 59 59. Avec le département, préservons notre environnement. Les 23 et 24 septembre prochains, c'est la 7e édition du Festival Kaloubang au Parc des Expositions et des Congrès de Saint-Denis. Retrouvez en concert Morgan Heritage, Kalash, Kiltir, Esther Rada. Et venez découvrir le chanteur haïtien Bitova au bass. Toute la programmation et les infos pratiques sont sur kaloubang.re. Inspirez, expirez. Mieux respirer, on est tous concernés. La loi sur l'air a 20 ans. Elle reconnaît le droit à chacun de respirer un air qui ne nuise pas à sa santé. Chaque jour, l'Observatoire réunionnais de l'air vous informe gratuitement sur la qualité de l'air que vous respirez, ses effets sur la santé et les bons gestes à adopter pour l'améliorer. S'informer, c'est déjà agir. Rendez-vous sur le site d'Atmo Réunion pour plus d'informations. Mieux respirer, on est tous concernés. Et il est 7h16 à La Réunion, avec nous Philippe Dornier pour l'invité de Grand Matin. Bonjour Philippe. Bonjour Mickaël, bonjour à tous. Et on va parler économie touristique ce matin avec Sophie Durville, présidente du Club du Tourisme. Sophie Durville, bonjour. Bonjour. Top Reza a démarré hier à Paris, un salon réservé aux professionnels du tourisme, c'est même le plus important d'Europe. Qu'est-ce que vous en attendez ? Les professionnels du tourisme, donc présents au Top Reza, il y a une quarantaine de professionnels qui sont actuellement sur place. C'est le salon incontournable des professionnels du tourisme, et c'est important que la Réunion y soit représentée. On en attend un retour évidemment sur la fréquentation touristique. Je crois que les chiffres qui sont donnés sur l'impact du Top Reza sont de l'ordre de 50 000, entre 50 000 et 100 000 touristes qui sont visés pour cet événement. Donc c'est mesurable tous les ans, ce salon, vous savez que ça va générer de la fréquentation supplémentaire. Oui, c'est mesurable. Bon, c'est l'IRT hein, qui effectue ces mesures et donc les chiffres sont ceux-là. Il y a un impact sur la fréquentation et puis sur l'image de la Réunion. C'est important que la Réunion soit présente sur ce salon d'envergure internationale et puisse présenter son image et notamment sa nouvelle signature. Alors ça dure 4 jours, est-ce qu'en aussi peu de temps, on peut, pas effacer, mais atténuer la crise de requins ? D'autant que cette année, donc, nous avons une présentation d'une nouvelle signature sur le stand de Réunion. Donc évidemment, c'est un thème dont on parle. Hein, on peut pas effacer comme ça d'un coup de baguette magique la crise requin. D'autant que c'est toujours dans l'actualité malheureusement. Donc il faut l'expliquer, il faut montrer, que les pouvoirs publics, les institutionnels prennent en compte la problématique. expliquer cette crise et puis surtout agir après, si on veut parler de la crise requin, c'est important d'agir sur le terrain et de mettre en place un certain nombre de mesures, un ensemble de mesures pour montrer qu'on prend en main la problématique. Et la prendre en main, est-ce que c'est en redonnant vie à ce fameux slogan La Réunion, l'île intense, on fait pas du neuf avec du vieux là, puisque ça a été abandonné en 2008, ça revient là? Bah, l'idée, c'est de faire du neuf avec un axe qui était l'île intense. C'était une signature qui était dont s'étaient appropriés les Réunionnais. C'est quand même une signature que l'on apprécie à la Réunion. Et donc faire du neuf dans le sens où non pas intense par le côté extrême, mais intense par toute l'authenticité, par la culture, par la nature, par les expériences qu'on peut vivre sur place, les émotions qu'on peut recevoir en venant vivre la Réunion. Mais est-ce que c'est pas un peu ambigu après toutes ces attaques de requins, tous ces drames? Est-ce que c'est pas osé d'utiliser ce slogan, de le relancer Réunion île intense? Non, c'est pas osé. C'est important de encore une fois de mettre cet axe d'intensité sur l'aspect expérience à vivre. Bien sûr, si on le lie directement à la problématique requin, ça peut porter. Enfin, on peut se poser des questions, mais c'est une île qui est vraiment intense par tout ce qu'elle offre, et le Salon Topresa présente aujourd'hui tous ses axes, notamment ses milieux naturels, cette diversité culturelle. C'est très axé sur la partie volcan cette année, et c'est important de bien montrer toutes les thématiques, tous les atouts que présente l'île. Et le milieu marin en fait partie. Moi, je suis au départ de formation biologie marine. Oui, vous êtes l'ancienne directrice de l'aquarium de la Réunion. Et le lagon, qui est une zone sécurisée, est extrêmement important. Il y a une diversité marine qui est très riche à la Réunion. Et est-ce que vous comprenez du coup les partisans d'une pêche plus active des requins? Oui, je les comprends tout à fait. C'est vrai que le sujet est très complexe. Je pense qu'il y a un certain nombre de mesures qu'il faut mettre en place. Il y a différentes mesures. Il n'y a pas une mesure spécifique. Il y a un certain nombre de choses sur lesquelles il faut réfléchir. Mais il y a également une mesure importante. Les requins ne sont pas trop protégés aujourd'hui? Ils sont protégés aujourd'hui. Il y a un certain nombre de mesures qui concernent la pêche, qui concernent les filets, qui sont mis en place. Il faut poursuivre ces mesures-là. C'est vraiment important. Il y a une mesure qui, à mon avis, devrait aussi parallèlement se mettre en place. Ce sont de poursuivre des études pour comprendre, connaître la population de requins aujourd'hui. On n'en sait pas encore assez. Aujourd'hui, il y en a qui pensent qu'il y en a beaucoup, d'autres qu'il y en a peu. Donc on n'en sait rien. En fait. Et pourtant, il y a eu des études financées. Ça a servi finalement. Il y a eu des études, mais pas pour connaître la population de requins, mais plus pour connaître leur comportement. Donc, ça ne suffit pas. Donc, l'idée, c'est pas d'aller dans un sens de protection totale ou de pêche totale. C'est d'essayer de trouver un juste équilibre pour qu'on puisse se réapproprier le milieu marin. C'est extrêmement important pour la destination Réunion, d'autant qu'on a une biodiversité très riche et des activités comme la plongée sous-marine qui offrent c'est une activité extraordinaire. Alors, pour vendre la destination Réunion, vous le disiez tout à l'heure, Sophie Durville, je rappelle que vous êtes présidente du club du tourisme. Les professionnels comptent beaucoup sur le volcan, mais dès qu'il y a une éruption, c'est la galère sur la route, pas de navette mise en place. C'est pas par là qu'il faut commencer, tout simplement. Alors, tout à fait. Donc, dans la destination Réunion, pour mettre en avant l'île, il y a évidemment la problématique des transports, du réseau routier, des aménagements, des parkings. Donc tout ça font partie des réflexions qui sont menées et qui doivent être menées en partenariat avec justement les professionnels du club du tourisme. Je voudrais juste préciser que le club du tourisme, ce sont une soixantaine de professionnels d'entreprises privées de tout secteur d'activité touristique. Et dans nos actions, c'est un réseau, hein, c'est un club, mais dans nos actions, nous avons construit un groupe de réflexion, un think tank, pour pouvoir justement travailler aussi sur la stratégie touristique à mener à la Réunion. Les professionnels du tourisme doivent être acteurs de cette destination et de son image, et donc de pouvoir apporter notre vision auprès des différents acteurs touristiques et notamment institutionnels. Et dans vos discussions, est-ce que vous parlez de ce souhait certainement des touristes qui aimeraient s'approcher des coulées de lave, comme c'était le cas il y a encore quelques années, alors de façon encadrée? encadré, évidemment, avec un guide. Vous pensez que c'est faisable? Oui, c'est faisable complètement et je pense qu'il faut le faire. C'est quand même des moments extraordinaires à vivre. Moi, il y a une vingtaine d'années, j'allais sur les coulées. Je me souviens être peut-être même très, très proche de certaines éruptions. Ce sont des moments magiques et je pense qu'aujourd'hui, on a les moyens de proposer un encadrement et une sécurisation de ces découvertes. Donc, vous appuyez les discussions entamées entre l'IRT et la préfecture, c'est une bonne démarche. Oui, c'est une bonne démarche. Les acteurs du tourisme, les professionnels doivent être impliqués dans ces démarches. Le volcan, il risque pas d'être dénaturé si on y construit un écologe? Alors, la problématique de l'écologe, ça relève de l'écotourisme, qui est un sujet plus global, qui est un des axes à développer sur notre île. C'est un produit qui est très structurant et l'associer à la découverte du volcan, à l'authenticité locale, c'est vraiment important. Il faut aussi, évidemment, qu'il y ait l'intégrer dans le visuel, dans les paysages. Il faut penser l'architecture, respecter les contraintes environnementales. Et ça peut permettre, et d'autres destinations le font très bien, de mettre en avant nos milieux, notre diversité et les richesses de l'île. Donc après, évidemment, il faut l'étudier, il ne faut pas le placer n'importe où et n'importe comment. Il ne s'agit pas d'accueillir des millions de visiteurs sur ce site, mais de bien le gérer. Un mot sur la crise que traverse le parc national avec la mise sur la touche de sa directrice, Marlène Noireau. Ce parc, c'est un atout ou un frein pour La Réunion ? Pour nous, au club, et pour moi personnellement, c'est un atout, ce parc national, comme la réserve naturelle marine de La Réunion. La problématique, c'est d'arriver à concilier, et je suis optimiste, je pense qu'on va y arriver, de concilier le développement économique à la nécessité de préservation de notre milieu naturel réunionnais, sur lequel le tourisme repose. Donc, il faut le protéger, bien évidemment. Pas faire n'importe quoi, mais pas non plus mettre tout sous cloche. Il faut pouvoir arriver à développer un certain nombre d'activités en respectant les milieux naturels, mais en ouvrant certains sites aux touristes. Marlène Noireau, je la connais personnellement. C'est quelqu'un qui est très engagé, qui a été très engagé dans ces problématiques de protection des milieux naturels. Et je sais qu'elle y a mis tout son cœur. Et vous avez peur qu'on perde le label patrimoine mondial de l'UNESCO, par exemple? Alors, je suis pas compétente pour vous répondre à cette problématique spécifique entre nationale et régionale. Pour moi, le point important, c'est qu'on puisse arriver à concilier, encore une fois, ce développement économique et cette nécessité de protection et de préservation des milieux naturels. Encore une fois, beaucoup de destinations le font et on peut tout à fait y arriver à La Réunion. Une dernière question sur ce qui fait souvent reculer les touristes, le prix des billets d'avion. La compagnie French Blue annonce du low cost pour juin 2017. Vous pensez que ça peut changer la donne ? Alors, le prix des billets d'avion, c'est une chose. C'est vrai que ça représente un coût pour une famille, mais avant tout, c'est la desserte qui pose un problème. C'est vrai qu'on a peu de une desserte assez faible. Il y a trois compagnies pour l'instant. Voilà. Ce qui est important, c'est de ramener ça dans la stratégie globale touristique de La Réunion. Qu'est-ce qu'on veut pour l'île de La Réunion ? Clairement, on ne veut pas du tourisme de masse. Donc, il s'agit ensuite, à partir de là, de définir un certain nombre de mesures qui doivent être mises en place, notamment la desserte aérienne, mais de le faire en accord avec cette stratégie. Merci Sophie Durville d'avoir été l'invitée de Réunion Première ce matin. Bonne journée. Merci à vous. Sophie Durville, présidente du Club du Tourisme. Une interview à retrouver à 13h30. Et dans toute la Réunion, on écoute Caroline Costa, Isa. Eh oui, ensuite on fera un point trafic avec Ivrier avant le journal. Bonne journée avec nous. Les mêmes gratte-ciels qui me regardent haut. Ma jeunesse qui s'enfuit avec mes rêves. La même tristesse dès que le soleil se lève. Paris, London ou Los Angeles. Où que j'aille, mes peurs me tiennent en laisse. Seule dans ma chambre, j'ai perdu le sommeil. Et les lendemains ressemblent à la veille. Et je m'en vais. Juste pour reste guidée par mes souvenirs. Et je m'en vais pour retrouver qui je suis. Je laisse la nuit m'emmener loin d'ici. Je n'oublie pas d'où je viens, où j'ai grandi. Je suis une enfant d'ailleurs. Je suis une enfant d'ailleurs. Ailleurs, vous n'allez pas. Vous restez sur Réunion Première. Bah oui. Avec Caroline Costa et Yves Grouillet. Prenez la route en toute sécurité avec Total et InfoRoute. Énergisons la vie. Chaque jour, Total. Vous êtes toujours à l'étang salé les hauts, Yves. Oui, parler d'un projet ici, mais on va qu'il y a un travail peut-être. Hein, donc ici, il y a un gros projet de la purée Bombard pour mettre à sens unique, parce que c'est vrai qu'il y a quand même, si là ça circule à peu près correctement, c'est vers 8h, 8h30, là c'est un peu plus compliqué. L'après-midi, 16h, 16h30, là aussi une circulation difficile. Donc dans les deux sens, et donc il y a ce projet donc de faire passer la circulation descendant des avirons par l'arrière et sens montant donc dans le sens inverse, et avec également donc une voie de bus dans le cadre du Transeco Express. Donc ça c'est un gros projet, mais pas pour tout de suite. Hein. Voilà, la circulation avec le poids lourd, ça y est, on donne des nouvelles quand même de ce poids lourd avec son problème de pont, mais problème mécanique, il a été placé à un refuge, donc il a été redescendu, ça permet de dégager la voie lente à hauteur de l'échangeur, un petit peu après l'échangeur de l'éperon au niveau de la ravine Saint-Gilles dans le sens nord-sud, depuis ce poids lourd qui est en panne depuis 6h moins le quart ce matin. Toujours des ralentissements à hauteur de l'échangeur de plateau Caillou, ça coince, ça y est, un grand fond boucan, la partie basse de la route du théâtre également, donc si vous allez vers Saint-Paul par la route des plages, c'est un peu plus difficile à cette heure-ci. Donc les ralentissements sur la route du littoral, c'est revenu un peu vers la Grande Chaloupe, puisqu'il y a quelques minutes c'était arrivé à la Possession, mais ça se dégage assez rapidement sur la partie sud de la Corniche, avec des bouchons toujours sur à la fois le pont Vinsan, les tranchées, l'entrée est, et également les petites zones roulantes entre Gillot et le début de la ligne droite donc de la Jamaïque en direction du front de mer de Saint-Denis. Ben, c'est patient bien sûr depuis Sainte-Suzanne, il y avait un gros trafic en provenance de l'Est ce matin. Grand beau temps, c'est vrai que vous parliez du beau temps, je confirme, il fait beau en regardant même vers le sud jusqu'à Saint-Joseph, c'est grand ciel dégagé. InfoRoute vous a été proposé par Total. Énergisons la vie. Chaque jour, Total. 7h31 sur la première. Le journal de la rédaction est présenté par Cécile Thomas. Bonjour Cécile. Bonjour à tous. Faut-il exploiter la carrière des Latani à la Possession? L'avis de la population est de nouveau demandé sur le sujet. Nous ferons le point avec Hubert Debeu. Le Rivotril, un médicament anti-épileptique détourné par les toxicomanes, mais sous effet, il passe plus facilement à l'acte de la violence qui se finit souvent au tribunal. Nous entendrons un spécialiste, le docteur Mété. Comment assurer la sécurité des élèves dans les établissements scolaires? Question qui sera posée au recteur ce matin. Velayudom Marie Moutou recevra une délégation du syndicat des personnels de direction de l'éducation nationale. Et puis nous irons à Mayotte suivre une formation. Certains apprennent à piloter une moto ou un scooter pour éviter les accidents et pour pouvoir échapper aux bouchons. Nouvelle négociation prévue aujourd'hui entre les planteurs de la CGPER et la direction de l'agriculture et de la forêt, Jean-Bernard Gontier. Le président de la Chambre d'agriculture nous le confirmait en direct dans notre journal de 6h30. Des avancées ont été obtenues hier. Les deux parties doivent encore s'accorder sur quelques points. Les planteurs bloquent les usines sucrières de Bois-Rouge et du Gol depuis deux jours. Un blocage effectif tant qu'aucun accord ne sera signé sur le versement d'aides financières. Des aides multiples qu'attendent les planteurs de canne, mais aussi les éleveurs. Plusieurs métiers agricoles sont concernés. Les discussions pourraient reprendre dès ce matin. Objectif pour Jean-Bernard Gontier, régler toutes les aides non perçues jusqu'alors et repartir à zéro en 2017. À la Possession, pour ou contre le projet de carrière des Lataniers, c'est la question que pose la majorité communale à la population. Avant de prendre une décision, Vanessa Miranville souhaite redemander l'avis des citoyens, mais elle prévient, si la carrière n'exploite pas les gisements en roche de la commune, une hausse des impôts sera inévitable. En attendant l'ouverture de la carrière, c'est l'ouverture donc du dialogue citoyen, Hubert Debeu. La fin de l'année sera décisive pour savoir si la carrière des Lataniers sera exploitée ou pas. En attendant, la nouvelle mandature a décidé de re-questionner les possessionnaires

devant les lycées de l'Académie de la Réunion, puis même devant les lycées de France et de Navarre, vous verrez que les attroupements devant le lycée sont là. La mise en place de ces zones n'est pas la seule revendication du syndicat. Il demande aussi que des moyens soient enfin mobilisés pour sécuriser les établissements scolaires, avec notamment un plan de formation pour les agents chargés d'accueillir les élèves. Car ces hommes et ces femmes sont en première ligne en cas d'attaque, mais ils ne sont pas préparés à faire face à la menace terroriste. Antoine Garnier. Mais avant de refermer ce journal, direction Mayotte. Mayotte qui n'a rien à nous envier côté embouteillage et pourrait échapper. De plus en plus de Mahorais optent pour un deux roues. Mais conduire une moto ou un scooter ne s'improvise pas. On le sait, les chiffres de la sécurité routière le rappellent. On est plus vulnérable sur la route à moto ou en scooter. Une formation est nécessaire. Abdoul Adamala s'est rendu à Magicavo sur une piste réservée aux auto-écoles. Là, on s'entraîne et on passe son examen. Tu accélères, arrivé à 50 km/h, tu gardes l'allure. Arrivé C6, tu me fais un freinage. Une fois les consignes données, Omar, très concentré, s'exécute. Cela fait quelques années maintenant qu'il roule à scooter. La formation moto lui a permis d'améliorer sa façon de conduire. Je suis arrivé à un temps où je me suis rendu compte que je ne respectais pas du tout le code de la route avec ça. Et la moto a ses principes qui sont différents de la voiture. Une moto, il faut avant tout savoir se faire voir par les autres. Et c'est très important pour moi et pour continuer à conduire une moto. Depuis quelques mois, plusieurs conducteurs de deux roues ont été victimes d'accidents de la circulation parce que certains ne savent pas partager la route, selon Mohamed El Yamine, moniteur. Une fois que le plateau est validé, là on va passer la circulation qui est composée de 12 heures de circulation, où là on va essayer de partager un espace public notamment avec les autres usagers. De son côté, Marie-Laure a déjà franchi l'étape du plateau. Elle va désormais rouler sur un circuit ouvert. En fin de compte, c'est rouler, c'est-à-dire que vous avez l'inspecteur en voiture, nous on a une oreillette au niveau du casque et l'inspecteur va vous donner des instructions tout le long de la route. Vous voyez, tourner à gauche, il va voir un petit peu comment vous roulez, comment vous regardez vos rétros, si vous mettez bien vos clignotants quand il vous demande de tourner à gauche ou à droite, de faire attention à tout ce qu'il y a sur la route, quoi. Jeudi, à l'examen du permis moto sur plateau, sur 4 candidats présentés, 3 ont réussi. Mais ce n'est qu'une partie de la formation. C'était un petit tour en scooter à Mayotte, un reportage d'Abdoul Adamala de Mayotte Première. Merci de nous faire voyager, Cécile. À demain, bonne journée. Déjà pas mal. On a un petit budget. C'est un petit voyageur. 7h41 sur la première. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. Rajoute à cela le petit tour en scooter et le gris qui persiste. Il manquerait plus qu'un peu de pluie. Et attention, route glissante, oui, parce que ça a plu cette nuit et ça pleut par endroit, par moment. Que fais-tu ? Du côté du baril, j'essaye de relever le siège. Ah d'accord. On a un petit budget, je le dis, même pour les sièges. Voilà, donc le gris persiste à l'est entre Sainte-Suzanne et Saint-Philippe, aussi bien sur les Hauts que sur le littoral. Ailleurs, c'est quand même beaucoup plus éclairci, avec du grand bleu même dans l'ouest et le sud, nous a dit tout à l'heure Yves Gruyer. Donc ça tombe bien, c'est vérifié. Un grand bleu qui va devenir un petit bleu cet après-midi, avec des nuages qui vont s'installer sur les hauteurs de l'ouest. Le Grand Bénard ou encore les hauts de Saint-Leu, les Colimaçons, devraient être sous les nuages. Et puis sur le littoral, on alternera entre nuages et éclaircies. La région qui sera la plus au soleil, c'est celle de l'Étang Salé et de Saint-Pierre, avec des températures qui vont monter avec ce soleil. 27 degrés dans l'ouest, seulement 24 dans l'est sur le littoral, sous les nuages. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. Le radier du Gol, c'est là-bas que nous attend Yves. Ouais, toujours en chantier, toujours ces travaux donc, pour réaliser un gros ouvrage, pour permettre éviter les submersion de radier ici, donc permettant de circuler entre le giratoire du Gol, très fréquenté, la zone industrielle de Bel Air. Voilà, donc circulation toujours déviée, mais ça s'est plutôt bien passé durant ce chantier, qui est pas loin de finir. Là, je vais essayer d'avoir un peu de nouvelles dans un instant. C'est toujours calme autour du giratoire du Gol, donc à côté de l'usine, parce qu'il y a toujours l'empêchement d'accès donc à l'usine, avec les planteurs, donc qui sont là, tout est. Il y a beaucoup de tracteurs, en tout cas de bennes donc chargées de cannes qui sont en attente bien sûr de livraison à l'intérieur du parc. Voilà, sinon la circulation correcte hein, donc ici pour franchir le pont de la gare Saint-Étienne, attention juste en sortie de Bretelles de Béar, parce que là il y a pas mal de monde en sortie de Saint-Louis en direction de Saint-Pierre, la descente du tampon toujours relativement roulante, donc assez peu de problèmes ce matin à ce niveau. Vous qui circulez dans l'ouest, pas de changement, si ce n'est que ça roule un peu mieux entre Grandfond et Boucan sur la route des plages par rapport à tout à l'heure en tout cas, et toujours un ralentissement avant la tranchée couverte. sur la route du littoral, c'est revenu virage de Ravina Malheur. Attention, il y a un peu plus de monde à l'entrée de Saint-Denis, même si le pont Vinsan s'est libéré, donc là ça roule mieux, les tranchées étant chargées. Côté est, la circulation encore ralentie entre la ligne droite de Sainte-Suzanne jusqu'à Saint-Denis. Voilà, avec une bonne route. Attention, il y a encore une partie de route glissante dans l'est. Jusqu'à Saint-Denis. Voilà, avec une bonne route. Attention, il y a encore une partie de route glissante dans l'est. Et avant 8h, le zapping de Réunion Première, le moment que vous attendez tous pour rire un peu. Oui, il faut dire la vérité. Faire rire un peu la bouche. Moquette un peu, hein, oui. Oui, oui, moquette un peu. Il y aura encore du grain mou. Tous les animateurs, les journalistes de Réunion Première qui aiment bien l'autodérision et passent dans le zapping. 1 minute 30 de zapping avec Jackie Revel, ça sera avant 8h. Et on va gagner. On va gagner quoi? On va gagner ces places de cinéma pour aujourd'hui, mais surtout participer au grand tirage au sort de vendredi. À la clé, votre croisière. Tout ça grâce à votre photo, la photo de votre petit-déj, que vous pouvez encore poster pendant quelques minutes sur la page Grand Matin, page Facebook, pour repartir avec vos cadeaux. Voilà. Tout est dit. Et si, si vous êtes un marmaille qui nous écoutait ce matin jusqu'à 15 ans, ou peut-être un parent d'un marmaille qui a du talent, la voix marmaille de Lille, eh bien, on la recherche sur Réunion Première. On est à la recherche de cette voix marmaille. Pour la deuxième édition de Kick Créole. Revient prochainement. Oui. On s'inscrit pour le casting jusqu'au 30 septembre. www.kickcreole.re. Et puis, vous avez aussi les informations sur la page Facebook de Kick Créole. Ça même. Et la gagnante de la première saison, elle nous aime. Oh oui. Elle s'appelle Anouchka. Anouchka. Elle sera présente sur l'album de Pixel. Oui, ben c'est normal. Qui sort vendredi. Voilà, les deux, la fin duo avec. Il appelle Mon Étoile, c'est chou. Le duo. Et c'est seulement sur la première. Pixel, Anouchka. Oh. Mon Étoile, sur première. Pixel, en exclusivité sur Réunion Première. Écoute Mon Étoile avec Anouchka. Sois là où vont mes pas. Il me faut ta présence. Réponds-moi. J'ai cherché l'amour où il n'était pas. La clé de ma destinée est dans ta poche. Je vois le mal où il n'est pas. Et tu m'aides à rester debout quand c'est dark. J'ai besoin des autres et peur d'être à part. Tu me permets de tenir quand je décroche. Je sais que tu es là quelque part. Si je te perds, c'est de ma faute. Car je combats mes démons. Rien n'est impossible. Et m'y connais maintenant. Mi pecontili. Je sais que je peux compter sur mon étoile. J'ai rêvé d'aller là-haut, d'aller la voir. Que mon chemin s'éclaire, d'être sous sa lumière. Et si je suis tête en l'air, c'est pour la voir. Sur toi pour veiller sur moi, je te vois les yeux fermés. Je réalise que tu es partout et tu m'épaules. Et j'avance jusqu'à trouver quel est mon rôle. Auprès de toi, ce chemin me paraît moins long. Et je sais, oui je sais, que je peux compter sur mon étoile. Je sais qu'elle sera toujours là. Juste là avec moi. Je sais que je peux compter sur mon étoile. J'ai rêvé d'aller là-haut, d'aller la voir. Que mon chemin s'éclaire, être sous sa lumière. Et si je suis tête en l'air, c'est pour la voir. La la la la la la. Elle a 9 ans, elle est déjà bourrée de talent. Ah oui. Anouchka avec Pixel. L'album Nouveau Départ sort vendredi. L'album de Pixel, et c'est un son que vous écoutez. forcément ici et nulle part ailleurs. Oui. Sur Réunion Première. Seulement chez nous. Mon étoile. Un duo qui se forme. Oui. Un couple qui se sépare. Oh. On l'a pris hier soir. Mon Dieu. Pour le désespoir d'Isa et d'autres fans de ce couple Brad Angelina. Brad Angelina. Brad Pitt et Angelina Jolie. Ça y est, c'est fini. Angelina Jolie demande le divorce. Ça y est. Bah, ton avis, pourquoi, Isa, c'est toi fini. Ton avis, pourquoi c'est fini? Bah, pourquoi? Ouais. Parce qu'apparemment, elle aurait déclaré qu'il fumait un peu trop. Mmh. Et que des fois, il était pas très sympathique. Ouais, et puis pendant ce temps-là aussi. Donc, à mon avis, on n'a pas fini d'entendre des choses. Et puis, Angelina Jolie n'arrêtait pas de perdre du poids aussi. À force d'aider les enfants, notamment pour des causes humanitaires au Cambodge ou ailleurs, elle s'est mise au diapason de ses enfants en ne mangeant plus quasiment, Angelina Jolie. Hein. Ouais, il y a eu plusieurs alertes. C'est plus un squelette qu'une humaine. Des photos. D'Angelina Jolie, très maigre, etc. Même Brad Pitt s'est inquiété de sa santé, ce qui est normal, etc. Brad Jelina, ça fait partie des tendances Twitter. Alors tout le monde, tous ceux qui s'intéressent à cet univers people ont été tweetés. Il y en a plein qui s'en foutent aussi, qui ce matin disent mais pourquoi on parle de Brad Jelina ? Bah oui, c'est vrai. Bon, divorce, on a été regardé quand même. Bon. On a été regardé, oui, parce que c'est un couple phare, c'est un power couple, un power couple, c'est un couple puissant. Il y a Mercedes qui dit par exemple, I'm so devastated. How cool this happened. Oh, comment c'est possible? Je suis si dévasté. Oui, voilà, c'est un nouveau mot. Miles, quick, we need a script for Mr. and Mrs. Smith. Oh. Two. Oui, en fait, là, il dit clairement, rapidement, on a besoin d'un nouveau scénario pour le deuxième épisode de Mr. and Mrs. Voilà, Smith. Voilà, le film sur lequel ils s'étaient rencontrés d'ailleurs, et ils étaient tombés fous. Ils étaient un peu en confrontation dans le film. Oui. Et ben pourquoi pas faire un deuxième maintenant qu'ils sont divorcés, ça tombe bien. Charlène, elle qui est supporter de Jennifer Aniston et qui est bien contente que Brad Pitt se soit fait larguer. C'est pas bien de se moquer du malheur des gens. Bah oui, parce que Jennifer Aniston s'était fait larguer à l'époque par Brad Pitt. Voilà. Mmh. Bah, sauf que maintenant elle est maquée. Mmh. Ben c'est ça. Ben oui, donc la question est, va-t-elle divorcer Parmesan. De son beau pour repartir avec Brad? Oula, ça devient un peu les feux de l'amour, c'est truc. C'est les feux de l'amour même. Parmesan, comment croire en l'amour quand t'apprends que Brad Jelina, c'est fini? Ouais. Ouais. Parmesan, pseudo bizarre aussi. Hein. Et puis, petite femme forte résume un peu ce que pense beaucoup de monde en nous écoutant là en ce moment parler de Brad Pitt et Angelina Jolie. Sinon, ça fait deux jours que je suis pas allé aux chiottes, tout le monde s'en branle. Bah, voilà. C'est petite femme forte. Oui. Ma petite femme forte, on s'intéresse aussi à toi, t'inquiète pas. Mais sauf oui. Que tu t'appelles pas Brad Pitt. Non. Voilà. Allez, à tout de suite. Ni Angelina Jolie. À tout de suite sur Première. Réunion Première vous invite pour la Nuit Étoilée, une rencontre musicale afro-caribéenne le samedi 8 octobre à partir de 20h30 au parc Expobat de Saint-Paul avec Michael, LJ, Pompis, Marvin, Felicia Ross et plein d'autres artistes. Jouez et gagnez vos invitations en écoutant Réunion Première. Et tentez de gagner vos places pour la soirée VIP du jeudi 6 octobre. Anouchka Pépin, gagnante de la saison 1 de Kid Créole sur Réunion Première. Aujourd'hui, découvrez Mon Étoile, son duo inédit avec Pixel. Une incroyable consécration pour la petite réunionnaise. Toi aussi, tu peux vivre ce rêve et enregistrer ton premier single produit par SS Kairon. Tu as entre 8 et 15 ans? Inscris-toi sur le site kidcreole.re avant le 30 septembre et participe à la saison 2 de Kid Créole, le talent show Made in Réunion Première. Première. Est-ce que tu cherches un ordinateur portable, Isa? Ben oui, bien sûr. Eh bien, Lenovo a réinventé l'ordinateur portable. Oh, mais sang, mais si, bien sûr. Bah oui. Et Pascal Rizzo nous en parle dans cette fameuse rubrique Connect Première. Bonjour, c'est le genre d'innovation qui n'aurait pas déplu à Steve Jobs. C'est en tout cas l'une des nouveautés les plus marquantes de ces dernières années, destinée aux ordinateurs portables. Le chinois Lenovo vient de présenter son Yoga Book. Un ordinateur portable, en fait un notebook, donc un petit modèle portable de 10,1 pouces, dont finalement les caractéristiques ne sont pas importantes. Par contre, il dévoile un concept particulièrement original, puisque toute la moitié de l'ordinateur, là où se trouve normalement le clavier et en dessous le pavé tactile, tout ça est remplacé par une surface totalement plate, sans aucune touche pour écrire. Il s'agit en fait d'une surface sensitive, qui prend donc toute la partie que l'on pose sur son bureau ou sur ses genoux et qui se transforme à volonté. Ainsi, lorsque l'on souhaite écrire et accéder au clavier, on appuie sur un petit bouton et hop, le clavier apparaît, mais de façon tactile. La forme reprend donc exactement la forme d'un clavier traditionnel de portable, mais sous la forme d'un écran tactile de smartphone. Il y a même un système de vibration que l'on peut donc ressentir lorsque l'on appuie sur les touches virtuelles. Et lorsqu'on n'en a plus besoin, eh bien la surface se transforme en zone de dessin ou en palette graphique ou en papier numérique, puisqu'il est possible d'utiliser un stylet pour écrire à main levée ou dessiner sur une surface donc redevenue totalement vierge. L'usage nous dira donc s'il s'agit d'un flop ou d'une révolution majeure pour l'ordinateur portable de demain, dont les touches mécaniques, fragiles et salissantes, sont aujourd'hui un des points faibles. À noter que le modèle proposé a une épaisseur inférieure au centimètre une fois refermé. C'est vous dire la finesse de cet ordinateur une fois déplié. Il pèse 690 grammes. Le Yogabook de Lenovo sera disponible sur le marché français le mois prochain au prix de 399 €. Ça fait 47 000 francs CFP pour la version Android et 499 €, 60 000 francs pour la version Windows 10. Belle journée. Deux places de cinéma à gagner ce matin pour Cézanne et moi. Elle est où ta violence aujourd'hui? Tous ces bourgeois que tu détestais sont devenus tes amis. C'est peut-être du génie, ça reste encore à prouver. L'artiste, t'as pas les couilles, mon vieux. Cette histoire d'amitié extraordinaire entre Paul Cézanne le peintre et Émile Zola, l'auteur, l'écrivain, avec Sabine Azéma, Guillaume Canet, Guillaume Gallienne. Mmh. Un film français qui vaut le détour. Et c'est à aller voir au cinéma maintenant, grâce aux places que l'on vous offre. C'est sorti aujourd'hui, donc tout va bien. Vous pouvez aller le voir quasiment parmi les premiers. Et ben qui, oui. À qui on offre ça, Isa? Oh, Alice ça. Est avec on nous. On offre ça à Alice? Oui. Bonjour Alice. Coucou Alice. Bonjour tout le monde. Comment ça va Alice? Ça va très très bien. Bon, c'est chouette ça. Ça roule Alice ça. Ce matin, c'est nickel, on vous appelle, voyez? Ah, c'est top, bon, merci. Alice, ça glisse plutôt, hein, ça roule pas. Ça ouais, un vieux blague, ça, ma fille. Hein. Bon. Aïe, aïe, aïe. Alice. Tu entends ça pendant des années. Oui, je tu sais. Oui, je sais, je sais. Je suis désolé, Alice, vraiment. Alice, est-ce que. C'est mon mari qui va pas être content, là. Hein. Ah, allez. Ah, oui, ça, j'avais oublié le mari. Ah oui. Il s'appelle comment, le mari? Richard, tout va bien. Hein. Je parlais d'une autre Alice. Je parlais de. Voilà. Ça y est, on sort d'un western. Ouais, bon, Richard. Je pars. Alice, est-ce que vous pouvez nous décrire votre photo, celle que vous avez envoyée sur le Facebook et qui vous fait gagner ce matin? Alors, bah, tous les matins, on prend le petit déjeuner avec mes deux petits loulous, Mathéo et Alexis, avant qu'ils partent à l'école. Donc voilà, donc j'ai pris la photo de nous trois, le petit déjeuner. Voilà. Les trois avec le sourire, hein, c'est qu'on est contents. Ah, toujours. Voilà, et bien pour vous, vous irez au cinéma avec la personne de votre choix. Félicitations, comme ça vous laisserez les loulous à la maison, puis vous sortirez en amoureux avec Richard. Et mon mari. Voilà, on c'est a compris, des invitations valables dans les salles du réseau Morifi, Multiplex Ciné Corbeil de Saint-Paul, la case Saint-Denis. Au Plaza de Saint-Louis. Bravo Alice. Et vous merci. Comme tout le monde, vous êtes qualifié pour le tirage au sort de vendredi. Peut-être une croisière au bout. Donc il faudra bien rester à l'écoute. Merci. Salut Alice. Bisous Alice. Merci, bisous à tout le monde. Merci. Allez, on va rigoler une dernière fois dans cette matinale. Eh oui, le zapping. On a du mal avec certains mots. Les blagues de Lucas. Ah, les blagues de Lucas. Il est encore meilleur que moi. Oh Seigneur. Et puis, plongeons dans le monde merveilleux de Beverly. Ah, Beverly. Tous les week-ends entre 12h et 14h, Beverly. Oui. N'hésitez pas, inscrivez là ou le ou. Voilà, inscrivez, allez-y! Ouais. D'accord. La paix! Bon, alors c'est quoi cette vente qu'on appelle compromis? Oh là là! Comment? Oh là là là là! Ben. Je dois vous dire, ne vous inquiétez pas, j'aurai bientôt 93 ans, si je ne mange pas pays, je n'aurai pas arrivé à cet âge-là. Parce que si on ne mange pas pays, comment vont faire nos éleveurs et nos plantés? Allez, dis-moi. Ouais. T'es les gars, répondez à la fiat. Oh là là là là. Donnons à la personne humaine la première place dans toutes nos préoccupations. Si c'était le cas, notamment... Mais non, c'est une bêtise que vous êtes en train de dire, là. Vous êtes têtu, je vous dis non. Merci, monseigneur. Mettons-nous au service les uns des autres. Ah, mesdames, il y a des places pour un concert de Zouk. Et Ici le bureau des nouveaux mots, Marie-Hélène à votre service. Oui, bonjour madame, je voudrais savoir si vous avez des giratoires bio. Un giratoire bio? Varmont, j'ai pris le giratoire Archambault, pardon. Le sexe des bébés crocodiles peut être décidé par la mère. Ah, c'est sympa ça. Ça va. Nouvelle victoire, le HBF Saint-Denis garde sa place. Arrête, ma fille. Ah oui. On est vraiment impatient de retrouver Zapping. Impatient de retrouver Zapping. Non, on moukate jamais. Bonjour. Salut Jackie. Bonjour tout le monde. Salut. Juste un peu de moukatage. Voilà. Ça c'est fait. Ça se passe, bon, on a un petit peu de trucage de temps en temps. Ouais. Bien, Florent Marot est plié. Ah oui, je vais goûter bien. Bon, alors quand on a un peu cuisine tout à l'heure, avec Anne-Isabelle Lucas, elle est styliste et auteure culinaire. Elle dessine dans l'assiette les courbes sensuelles d'une carotte pays qui s'enlace dans les épices de notre belle île. La cuisine végétarienne aujourd'hui entre 8h et 9h. C'est sensuel. Ah oui, la carotte. Attention, et puis on saura si les ancêtres de... La carotte pays. D'accord. Zapping. Comment il fait ? Alors, est-ce que les ancêtres de Rakoto, Razavi Mompian, Randrian Arivel sont aussi des Gaulois ? On le saura entre 9h et 10h. Ah, plutôt Astérix ou Obélix, Jackie, toi ? Ah, ben là, il faudra écouter tout à l'heure. Hein. Okay. Bon, ça c'est le radio-ménage. À tout à l'heure. La Coljac s'intéresse aux Gaulois. Bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Bah, oui. Ça. Et la carotte pays. À demain, Mika. Allez, à demain. À demain, La Réunion. Salut. Prenez la route en toute sécurité avec Total et InfoRoute. Énergisons la vie. Chaque jour, Total. Et vous êtes à l'échangeur de l'entre-deux. Oui, attention. Alors ici, au niveau de l'échangeur, ça roule sur la 4 voies. Saint-Louis, Saint-Pierre, peu de problèmes au niveau de la bretelle de sortie de Saint-Louis pour rejoindre le pont de la rivière Saint-Étienne. Par contre, des ralentissements depuis Bois d'Olive, la descente des Bois d'Olive jusqu'à cet échangeur. Vous qui descendez des hauts, donc par la route de Bras de Ponteau notamment, ou arrivant de la route de l'Entre-deux, soyez patients. Attention, deux véhicules arrêtés, c'est un des événements en cours. Deux véhicules arrêtés sur le pont Vinsane en direction de la montagne sur la voie de droite. C'est le véhicule peut-être un accrochage. Milieu d'ouvrage, c'est en sortant de Saint-Denis et en allant vers la route du littoral. Attention, prudence, dans l'autre sens, ça roule normalement. Pour la route du littoral, d'ailleurs, les ralentissements sont juste avant la Ravine à Jacques, donc entre la Grande Chaloupe et la Ravine à Jacques, à peu près 6 km avant l'entrée du tunnel du Cap Bernard pour le début des difficultés sur la corniche côté ouest, ça va mieux puisque c'est sur le viaduc que démarre le ralentissement en fin de route des Tamarins. Donc on entre une entrée est qui reste encore assez encombrée en provenance de Sainte-Marie, bien entendu Sainte-Suzanne-Sainte-Marie. Donc quelques petites zones roulantes, mais c'est encore bien chargé. Ben pour quelques infos, restez prudents et patients. Bonne route avec la première. InfoRoute vous a été proposé par Total. Énergisons la vie. Chaque jour, Total. Et vous écoutez Réunion Première, il est 8h. Le journal est présenté par Florent Marot. Bonjour Florent. Bonjour Jackie, bonjour à tous. Nouvelle tentative pour enrayer la hausse du chômage. Des entreprises locales ont décidé de s'associer avec l'école de la deuxième chance. Elles vont proposer des stages, voire même un contrat aux jeunes stagiaires. Le partenariat a été officialisé hier. Reportage à suivre. Se dirige-t-on vers le retour de la cigarette à l'école ? Certains demandent à ce que les élèves puissent fumer à l'intérieur des lycées pour diminuer le risque en cas d'attaque terroriste. On saura le 14 décembre s'il y aura une carrière au Latanier à la Possession. En attendant, la mairie a décidé de reposer la question à la population. Mais Vanessa Miranville a été claire. Soit la ville accepte, soit elle devra mettre en place une hausse des impôts. Et puis aujourd'hui, 21 septembre, c'est la journée mondiale de la maladie d'Alzheimer. 8000 personnes sont atteintes de la maladie à La Réunion. On parlera des aidants à la fin de cette édition. On commence ce journal avec un chiffre. À La Réunion, 60% des jeunes de moins de 25 ans sont au chômage. Les causes sont connues, mauvaise santé du marché du travail, mais aussi absence de formation ou de qualification. Alors pour aider ces jeunes sans diplôme, Edith Cresson a imaginé, il y a 20 ans, l'école de la deuxième chance. Dans l'île, depuis 2010, la structure accueille en moyenne 700 jeunes par an, des